Bonjour, bonjour, VGBM, la nouvelle saison, la saison 2. Nous sommes là, nous sommes revenus de vacances pour vous faire une nouvelle émission. Toute nouvelle, normalement il est 22h, on va vous dire la vérité, nous enregistrons cette émission, il est 18h21. Mais vous êtes en train d'écouter cette émission à 22h ou en podcast sur le site de Webset Radio ou sur iTunes. Au programme de cette émission, les films de l'été. Et puis aussi on aura des nouveaux jeux, des nouvelles chroniques. Et des nouveaux chroniqueurs qui arriveront dans les semaines qui suivent. Mais avant tout ça, je vais vous présenter l'équipe type. Parce qu'au fil de l'année dernière, il y a des gens qui sont venus, il y a des gens qui sont partis. Vous allez remarquer ça au fur et à mesure. Mais avec nous... jamais arrivé aussi. Alors, on va commencer par la droite. Avec nous, on va dire la fille de l'équipe. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de filles, mais il y aura une nouvelle normalement bientôt. On peut l'appeler la Miss VGBM, puisque comme tu es un peu la seule de cette team. Donc c'est la mascotte, quoi. Oui, parce que en fait, vous aurez tous un surnom. Ça. Donc, il faudra s'y préparer. Non, mais un petit surnom pour juste la journée. Je sens Sofiane qui est mort de rire. Merci beaucoup Sofiane de nous accompagner dans cette émission. Léa, comment ça va? Bah très bien. On peut dire que t'es un des piliers quand même de cette émission, parce que t'es arrivé l'année dernière, je crois, ouais. Dans la 6ème ou la 7ème émission. Ouais. Ouais, c'était totalement déconstruit. Bah j'ai fait ma première émission seule. Oui. Du coup, oui. C'était assez spécial, mais c'était original. Ouais. Et puis t'as vu cette évolution dans cette émission VGBM. Mm-hmm. Et qu'est-ce que tu nous souhaites pour cette année alors? Je sais pas, qu'est-ce que tu veux pour cette année? C'est comme le Père Noël, tu peux avoir un souhait, y a pas de souci, vas-y. Qu'on soit racheté par Europe 1. Alors, il y a un projet top secret que je ne révélerai pas, parce que quand on dévoile un projet top secret, souvent c'est caput après. C'est un peu la logique. Mais il y a un projet top secret. Maintenant, on va être curieux. Ouais. Vous verrez bien. Mais je négocie. Avec une chaîne concurrente, comme on dit. Avec nous aussi Sofiane. Oui. Mais Sofiane, on peut pas te présenter sans ton acolyte. Sans Guillaume. Pourquoi pas, oui. Okay. Mmh. Donc, Sofiane, alors j'avais trouvé. En fait, Sofiane, je sais pas. Parce que pas l'un sans l'autre. J'avais trouvé un surnom. Mais alors, peut-être pas très... Non, mais pas pour l'année. Hein. Bah, c'est ça le problème, c'est que j'ose pas le dire. Vas-y, mais je pensais aux japonais du Maghreb. Mais c'est tout un. Ouais. C'est un peu lourd. Non, mais comme je sais que t'es un peu nul. Parle bien. Nul, en fait. Je me dis, il va me casser la gueule. Parce que plus les bras, je fais putain. Tu fais perdu déjà comme sport. J'en fais beaucoup. Tu fais du sumo? Je fais du sumo. Ça s'appelle le sumo? Ça s'appelle le sumo. C'est une question. C'est de la lutte en fait. Hein, la lutte, c'est voilà. Mais quand je vois ses bras, je fais ok, c'est ma jambe. Bon, je fais un mot. Ouais. Arrête de me. Je peux comparer avec mon bras, mais je sais pas. Est-ce que les vacances sont bien passées pour toi? Ouais, super. Ouais. Alors, petite question parce que ça m'intéresse, mais est-ce que tu passes tes vacances avec Guillaume? Une partie. En fait, vous vous séparez. Indissociable. Donc, vous êtes des. Alors, je rappelle, vous êtes des amis d'enfance. Vous avez créé un podcast qui s'appelle CQLB. Ouais. J'ai leur nom. Les alors indissociables, ouais. Leur surnom, tu voulais un surnom? Non. Tu participeras à l'émission tout à l'heure. je plaisante. Donc vous avez créé CQLB, ouais. Je rappelle, sur SoundCloud, hein, c'est ouais, ça? Je m'en rappelle. c'est ah oui, c'est vrai, merde. Tu donc vous êtes devenu un vrai duo. Et est-ce que de temps en temps, il y a eu des petites broutilles? Toujours. Toujours des petites engueulades. Oui, sinon ça sert à rien. Et ça arrive même sur les films, quand vous avez critiqué des films. Bien sûr, je suis radicalement pas d'accord avec Guillaume. Ça, on a remarqué durant l'année que t'étais assez extrême dans ton avis quand même. Tu sais débattre sur ton opinion et on va dire tu gardes que, ton opinion. Alors ça c'est un truc que j'aime bien entretenir, c'est que j'ai des avis très tranchés sur beaucoup de choses, mais en fait je m'en fous de tout. C'est ça qu'il faut retenir. À partir du moment où tu sais que je m'en fous de tout, faut rien prendre au sérieux. Quoi. T'as de la légèreté comme on dit. Bah oui, mais en vrai j'aime bien. Oui, mais t'es. J'aime bien parler des choses avec passion quoi. Bah, t'es bien dans tes baskets. C'est bien d'avoir un avis. Et tu permets de dire tout ce que tu veux. Donc avec toi Guillaume, comment ça va Guillaume? Bah ça va très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer cette chemise? Parce que cette chemise. Cette chemise, je l'adore. Mais ça, alors est-ce que je peux faire une petite critique? Mais je critique pas la chemise en elle-même parce qu'elle est très jolie. Mais ce type de chemise. Surtout tu peux pas parler. Parce que la chemise violette, bon. Ah non, moi j'aime bien sa chemise. Ah merci Toby. Mais ça c'est normal, c'est voilà. C'est un style différent. Ça s'appelle de la lèche. Mais ça c'est le genre de chemise très jolie, mais que tu mets dans le sud et quand tu remontes à Paris, ça... Moi j'ai acheté 12 000 chemises pour les vacances, c'est un peu de ce style-là, donc j'adore sa chemise. Bon, non, non, on aime beaucoup. Merci, avec chemise pour avec... toi, donc c'est pas un peu chemise tahitienne. Et puis Guillaume, est-ce que t'es allé voir des films? Est-ce que t'as eu des passions durant les vacances? Ouais, j'ai vu des films pas trop mal. Indestructible 2 a retenu mon attention. On en reparlera. C'est celle que j'ai vue, ça m'a Par contre, j'ai revu la trilogie Spider-Man de Sam Raimi et Magie. Ça passe ou ça casse? Certains qui font mal. Déjà, c'est le pire Peter Parker du monde. Oh non, ah, je suis pas d'accord. Ça part mal. Bah alors là, on pourra pas débattre parce que sinon on en a pour 3 ans. Ça a mis longtemps, je pense. Ouais. Mais bon. Il faut revoir, re-regarder, vous me direz. Parce que moi, j'étais pas convaincu. J'étais genre, non, mais ça va quand même. Il était pas mal. Non, il est nul. Même Andrew Garfield est mieux. Après, j'ai du mal. On débattra. Cette émission commençait bien. Ça va être bien. Avec nous aussi, alors on l'appelle le deuxième Guillaume, mais parce que pourquoi? Parce qu'on connaît pas votre prénom. Voilà pourquoi. Il c'est ne ça, connaît pas ton prénom, il alors, que oui, toi il a bien sûr nom, mais je préfère éviter. Jérémy. Non, mais c'est très lourd, parce que le problème c'est que ça peut marcher en rantaine, mais ça marchera pas en. Pourquoi? Parce que. Ça non, concerne la barbe. Je dirais peut-être ça tout à l'heure. C'est la barbe. Ah, sa barbe à lui. Non, ça cause la barbe. Ah non, toi c'est deuxième Guillaume, c'était très facile. Deuxième Guillaume. C'est quoi le vrai prénom? Son vrai prénom est Gauthier. Gauthier. Gauthier, rappelle-nous ce que tu fais dans la vie. Je suis chroniqueur à Web7 Radio. Non, mais. Ouais, non, je me rappelle bien, t'étais étudiant il n'y a pas longtemps quand même. Non, j'ai dû stopper ma formation l'année dernière. Je faisais une formation d'animateur et chroniqueur média en fait. Donc, ce fait, c'est Richard Joffaut, un producteur de télévision qui a créé en fait cette formation parce qu'il n'y a aucune école qui forme au métier d'animateur ou chroniqueur. Donc, il a créé cette formation par une association en fait. Et l'année dernière, en fait, voilà, en décembre, j'ai eu des petits problèmes et donc, du coup, j'ai dû arrêter ma formation. Et je la reprends en janvier. Donc voilà. Ah, tu penseras à rembourser ta dette. Ouais. Pardon. Tommy, comment ça va, Tommy? Très bien, toujours. Hein. J'ai vu. Alors, t'es parti où en vacances, toi? Je suis pas parti beaucoup, mais je suis parti un peu à Honfleur, un peu à Dijon. Bon, bah. Pourtant, t'as bronzé, je trouve. Je suis bronzé de nature aussi. Attends, je t'avais trouvé. Juste avant l'été, t'étais pas déjà parti en Réunion ou je sais pas où? Ah, la Réunion, mais c'était en janvier, ça. C'est pour ça, je suis pas trop parti cet été parce que. J'ai remarqué avec toi que souvent t'arrives en retard quand même. Parce qu'il y a pas longtemps, normalement on devait se voir et il n'est pas venu. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec toi. Ouais, j'habite à l'autre bout du monde. Mais oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. Alors ça, je tiens à remercier. Je remercie encore une fois tout le monde parce qu'il y en a beaucoup qui viennent de loin. Alors, c'est pas si loin que ça, tu mais bon. Regarde, vu moi, les... juste à côté. Vu les trajets, je vous dis encore merci de venir pour cette émission. Le programme de l'émission, c'est très simple. Je vous explique. On va jouer à un petit jeu où je vais vous citer 6 acteurs. Ok. Chacun va choisir un acteur par rapport à une question. Celui qui a la bonne réponse commence à raconter un peu son été et surtout les films qu'il a vus. Et si un des chroniqueurs a vu le même film, on peut débattre. D'accord? Donc c'est la première émission, c'est totalement déconstruit, c'est normal. C'est VGBM, ça n'a jamais non plus été super construit. Est-ce qu'on va commencer? La question est très simple. Je vais vous citer 6 acteurs, 6 noms d'acteurs et une actrice en plus. Il faudra trouver l'acteur le plus âgé. C'est très simple. On est d'accord? On est parti. Les propositions sont Al Pacino. D'accord. Robert Redford, Meryl Streep, Dustin Hoffman, Robert De Niro et Maggie Smith. Alors pour ceux qui ne savent plus qui s'appelle Maggie Smith. Maggie Smith, c'est Maggie Smith la plus vieille. Professeur McGonagall. C'est celle qui a joué dans Harry Potter et qui jouait donc professeur McGonagall. Exactement. Donc si je l'ai mis et qu'elle a l'air un petit peu âgée, il y a sûrement un piège. Je dis ça, je ne dis rien. Moi je dirais. On va commencer par. La lady c'est vrai qu'il est très vieux, de cette équipe. Redis les premiers. Alors on a Al Pacino, Robert Redford, Meryl Streep, Dustin Hoffman, Robert De Niro, Maggie Smith. Qui est l'acteur le plus âgé? En vrai, ça se joue à rien parce que il y en a 3 qui sont très très très très serrés. Et si tu peux répondre quand même un peu plus rapidement. Moi j'hésite entre De Niro, Redford. Tu prends De Niro? Ouais, De Niro. Allez, prends De Niro. Sofiane, il te reste 5 acteurs. Je dirais Redford. Tu dis Redford. Et Guillaume, tu dis qui? Je peux pas prendre Redford du coup. Non. Putain, mais j'ai dit. Ah, c'est la triche, je suis le dernier. Ah, tu penses qu'il reste Maggie Smith alors. Maggie Smith. Bah, Meryl Streep. Meryl Streep, et il te reste. Al Pacino du coup. Al Pacino. C'est horrible comme jeu, en fait, c'est pas du tout ta réponse quoi. Bah, et la réponse. Et alors, mais je vais vous dire un petit peu dans. On va dire dans le désordre, tiens. Bah, dans le désordre, on va dire du plus jeune au plus âgé. La plus jeune, c'est une femme, c'est Meryl Streep, qui a 69 ans. Ça se voit. Ensuite, Robert De Niro, 75 ans. Déjà Al Pacino, 78 ans. Ah oui, je m'en doutais, mais bon, j'étais dernier du coup. Il en reste 3. Il reste Dustin Hoffman, Robert Redford et Maggie Smith. C'est-à-dire qu'il reste. Il reste Guillaume. Il reste qui? Il reste toi, t'as pris? Moi, non, j'ai déjà perdu. Il reste toi. Donc en fait. Il reste Sofiane qui a pris. Moi et Redford. Redford. Oui, pardon. C'est soit Redford, soit Maggie Smith. Dustin Hoffman a 81 ans. Il est en 3ème position. Donc ça se joue entre Robert Redford Robert et Maggie Redford Smith. A 89 ans, si je me souviens bien. Pas du tout, mais merci pour cette information qui vient de sources sûres, j'imagine. Robert Redford a 82 ans. Mais quel âge a Maggie Smith? Plus vieille. 86. Elle est plus vieille, elle a 83 ans. Et c'est Guillaume qui va commencer à nous raconter son été. Oh. Qu'est-ce que tu as vu au cinéma ? Raconte-nous. Surtout, n'hésite pas. On a entendu dans le casque. Bah, j'ai eu la chance d'aller à Los Angeles, donc j'ai vu l'avant-première de Crazy Rich Asians. Oui, le film qui fait parler, on va dire. Ouais. Donc j'ai eu la chance de voir le film. Bon, en soi, c'est pas un mauvais film, mais c'est pas non plus. Enfin, en fait, je pense j'ai peur que les gens trouvent ça bien parce que justement, c'est le premier gros film hollywoodien avec que des Asiatiques. Mais en soi, le film en lui-même, c'est une comédie romantique des plus basiques, avec vraiment parfois des moments mauvais. Les acteurs sont plutôt bons en soi, mais j'aurais du mal vraiment à parler du film parce qu'au final, il n'y a rien à dire. C'est une comédie romantique basique. C'est une promo carte postale pour Singapour aussi, non ? Totalement. Merci de. Ouais, exactement, c'est ça. C'est juste aussi comment venez à Singapour, c'est bien. Mais si je ne me trompe pas, le film a marché aussi. Non, il n'est pas encore sorti. Il est sorti, je crois, aux États-Unis. Et il cartonne, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est bien ça. C'est pour ça aussi qu'on en a parlé parce que c'est le succès aussi de ce film qui a fait parler. Parce qu'au-delà de l'idée du concept de prendre que des personnes asiatiques dans un film, comme aussi il y a des personnes aussi, on peut le dire, en fait, il y a des films de communauté aussi aux États-Unis. Il y a aussi des films de communauté les afro-américains qui font des films qu'avec que des afro-américains. Ouais, bien sûr. Pour l'unique raison, tout simplement, parce qu'ils ont très peu de place aussi sur les grands écrans et qu'ils veulent aussi se donner du boulot. C'est une question aussi vachement de budget. Parce qu'ils ont mis quand même le budget, et comme tu dis, c'est aussi une carte postale pour Singapour. Donc il y a eu énormément de promotion autour du film, parce que ils ont fait, par exemple, ils ont fait la couverture de Hollywood Reporter, parce que c'est vraiment important, parce que la communauté asiatique est hyper importante, notamment à Los Angeles. Mm-hmm. Et donc du coup, c'est pour eux, c'est vraiment un big deal, quoi. Et en fait, ils ont surveillé que sur cette vague, ou parce que comme tu dis que le film c'est vraiment juste une comédie romantique, et honnêtement, si on change les acteurs, on met des acteurs d'autres origines, ça aurait été la même chose, c'est ce que tu dis. Au niveau de la qualité du film, ils abordent le sujet aussi des traditions, justement, entre les gens au bled et les gens qui partent aux États-Unis et qui au final s'occidentalisent. Ça parle énormément de ça aussi, de ce contraste qu'il y a entre les gens qui sont encore en Malaisie, à Singapour, etc. Ça joue vachement aussi sur ce genre de contraste en termes de tradition, de culture. En gros, c'est un peu, ils sont blancs maintenant pour eux, quoi. Si t'es asiatique et que tu vis aux États-Unis et que t'es de deuxième génération, pour eux t'es blanc maintenant, enfin t'es pas vraiment asiatique. Et j'ai trouvé, moi, que c'était un film un peu parce que je l'ai vu aussi, Vium, je l'avais pas dit, je trouvais que c'était un film un peu gênant parce que c'est un peu, je balance mon camarade pour mieux me faire voir, quoi. C'est-à-dire que c'est Crazy Rich Asians et genre, regardez le succès de la communauté asiatique en Californie et à Singapour, qui est aussi un lieu où la monnaie coule à flot, quoi. Ouais. Mais la chose qui me vient en tête, c'est surtout que tu aies des origines chinoises ou japonaises, c'est quand même des cultures différentes. Même Singapour. Hein. C'est Singapour. Singapour, c'est spécifique. Quoi, c'est Malaisie, des Chinois. Singapour, c'est chinois. Des Chinois et Malaisie. D'accord. Mais la Malaisie, déjà, c'est beaucoup de Chinois. 50%. Ok. Donc c'est vraiment plutôt les origines chinoises, la culture chinoise, en fait. Bah, il y a Michelle Yeoh. Michelle Yeoh, qui est malaisienne. Michelle Yeoh, qui est singapourienne, mais née à Macao. Rappelez-moi, elle joue dans quoi déjà, Michelle Yeoh ? Tigre et Dragon. Est-ce que c'est dans Charlie Angel ? Dans Star Trek. C'est Lucille Yeoh. Ah, autant pour moi. Michelle Yeoh, c'est vrai que c'est Tigre et Dragon, Star Trek, là, récemment, la série. The Lady de Luc Besson aussi. Ah, d'accord. C'est bon, je l'ai en tête. Très connu, quoi. Sunshine. D'accord. Et sinon, t'es allé voir quoi d'autre aussi à Las Vegas, parce que monsieur va à Los Angeles, pardon. J'ai vu Mission Impossible. Le dernier Fallout, qui est extrêmement long. Extrêmement. C'est des films de 2h20. Ça se finissait jamais. Et qui est pas mauvais en soi, mais je trouve qu'il y a plein de scènes qu'ils auraient pu couper, quoi. Genre, honnêtement, en fait, tu sens qu'ils avaient mis les moyens dans les cascades et qu'ils voulaient les montrer. Mais sauf qu'au bout d'un moment, tu vois, une poursuite en hélico qui dure 10 minutes, ça va, surtout que c'est au dernier quart du film. C'est assez long et c'est en fait c'est que ça, c'est que des suites et des suites de cascades, okay. De scénarios, il a aucun sens. Alec Baldwin il joue avec les pieds. Alors qu'il joue super bien dans Black and Span, même si on peut en reparler. Ah, ouais, j'ai vu ça, ça se passe à Paris, Mission Impossible, le dernier. C'est ouais, Paris. Ouais, c'est à Paris. C'est alors, oui, bah, en partie à Paris. En partie, ouais, en partie ouais, à Paris. Après, en 10 minutes, il fait tout Paris. Londres. Donc, Londres, ouais. Mais je t'avoue, j'avais pas une envie, parce que j'ai vu tous les épisodes sauf celui-là, et j'avais pas une envie d'aller le voir. Sérieux, mais je comprends pas. Non, mais il y avait pas une envie, tout simplement. Moi, parce j'ai trouvé que mieux. Il y a rien de nouveau, en fait. Ouais, c'est le meilleur. C'est le meilleur de tous les missions. C'est le meilleur que Ghost Protocol. Peut-être pas meilleur que le 2, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose de. Le 2, vous l'avez vu déjà? Ah ouais, moi le 2 je l'ai adoré, pour moi c'est le pire. Ouais. Après, c'est le pire. Bref, ce qu'il y a avec la franchise Mission Impossible, c'est que c'est un peu comme les Fast and Furious, c'est qu'à chaque épisode, faut que scénaristiquement il fasse encore mieux. Faut qu'il pousse ouais, encore plus loin. Ouais, c'est pas des voitures en image de synthèse. En vrai, tu vois. Non, mais ouais. Je suis d'accord. Là, toutes les cascades sont faites par Tom Cruise. Mais d'un point de vue scénaristique, c'est-à-dire qu'on nous bourre, on nous bourre, on nous bourre. Mais on s'en fiche. Le scénario, il s'en fiche. Ouais, Tom Cruise, faut le dire quand même, avant lui. Il y a des cascadeurs qui testent plusieurs fois avant. Ouais, mais il a fait quand même 140 heures de vol en diving, halo jump, ouais. Tout ça. Ouais, il est pas cascadeur, mais c'est sécurisé avant. Du coup, c'est impressionnant qu'il fasse. Maintenant, il est cascadeur. Maintenant, il est cascadeur en fait. Ouais. Et c'est le film où Tom Cruise a tout défoncé. Et, non, et il a porté le. C'est même blessé. Et surtout, c'est un film qui a énormément communiqué avant de sortir. Et ça, moi, j'adore ces films-là qui sont un peu transparents. Tu vois tout. Et il y avait toutes les featurettes de toutes les cascades, on te montrait tout, on t'expliquait lui, il vient de là, c'est un tel spécialiste de ça, câblage, je sais pas quoi. Tu savais tout sur le film et ça donne encore plus envie. À la fin, c'est l'apothéose quand tu regardes le film, c'est. T'as le souffle coupé pendant 2h30, quoi. Ah, moi, j'ai adoré quoi, ce film. Après, j'imagine que c'est aussi le concept aussi d'un film comme ça. C'est un blockbuster, on est là pour faire des. C'est un film d'action, on est là pour montrer aussi les séquences extraordinaires. Mais là où le 4 était intéressant, où on apportait de l'humour. Non, j'ai trouvé que ça allait beaucoup trop vite. Et on apportait de l'humour dans le 4. Et c'est ça qui était intéressant, parce qu'il n'y avait en fait aucun humour dans le 1, le 2, le 3, à part peut-être dans celui de John Woo, où il y avait quelques séquences un petit peu, on va dire, comiques, entre guillemets. Mais le quatrième apportait vraiment un aspect où c'est pas un super-héros, le gars. Des moments, il échoue, des moments, il rate, etc. Mais sinon, au fur et à mesure, en fait, à part un côté très classique, un côté très classe dans les cascades, mais après, il n'y a rien de nouveau, autant qu'on se dise. Scénario, il est arabiscoté, vraiment. Ouais, c'est... Non, ça va dans tous les sens. On a volé des ogives nucléaires, on ne sait pas vraiment qui est le méchant. Au final, c'est le méchant, c'est un gars qu'on connaît depuis le début. Bah, bref, on s'en fiche. Tu le sais dès le début, en fait. On le sait, parce que s'il est là, c'est. Enfin, c'est Henri Cavill. J'ai pas vu, mais je crois savoir. Voilà, s'il est là, c'est que. Voilà, la moustache. Et le combat dans le Grand Palais. Dans les toilettes du Grand Palais. Dans les toilettes du Grand Palais. Ça tue. Là, j'ai envie d'aller au Grand Palais pour me taper Guillaume là dans les toilettes. mais c'est un remake, les gars. C'est une scène d'action incroyable. Incroyable. Alors, j'ai une anecdote par rapport à ça. C'est le gars avec qui ils se battent. Là, t'as vu Guillaume, c'est un Asiatique. Hein. Ouais. C'est un gars qui est dans le domaine de la cascade depuis 10 ans. Et tous les gros blockbusters qu'on voit là depuis 10 ans, Fast and Furious, Star Wars, tous ces trucs-là. Toutes les bastons, c'est lui en fait. D'accord. Et le gars est un spécialiste, a un CV long comme la Donc table. Il fait la chorégraphie des combats. Il fait tout. Et là, c'est la première fois qu'il a le visage découvert. Voilà. Et il a joué pas mal dans Star Wars. Il a joué par exemple les gardes là en rouge là qui se battent avec Kylo Ren et Rey. Il a joué le Stormtrooper avec le tonfa électrique là. Je peux vous souvenir. Plein de personnages comme ça qu'on voit, on se dit mais lui, ce qu'il fait, c'est incroyable. Bah, en fait, c'est lui. Un gars. Et ça, c'est Henri Cavill qui le dit dans une featurette. Il dit ouais, ce mec-là est trop chaud, il nous a entraîné. Et en fait, il entraînait tout le monde. Tom Cruise. Il travaille sur les DC aussi. Hein? C'est Henri Cavill, il a déjà travaillé avec lui, il a dû travailler sur les DC Comics. Ouais, non, il a bossé dans tout, dans les Marvel et tout, c'est lui. Ah bon, dans Doctor Strange, les combats, c'est lui. Il est partout, le gars. Et ça, c'est intéressant que ça met en avant d'autres métiers que l'acteur. Il y a aussi Darth Maul qui faisait pas mal de trucs aussi. Ray Park, il fait pas mal de trucs aussi. Ray Park qui est de retour dans. Qui est de retour dans. On le dit ou pas? Bon, oui, dans Solo. Ah, c'est lui. Ouais, ouais, c'est lui. Bah, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote à propos de cette scène. Solo a tellement été un échec que pour relancer à la sortie DVD, Disney a officiellement sorti la scène avec Dark Maul. C'est la scène la plus secrète du film, quoi, en fait. Et juste pour que la sortie DVD marche, ils ont sorti cette scène en direct. Donc c'est un peu bizarre. Après, mais... Il a pas fait que des bons trucs. Hein. Il était dans la saison 4 de Heroes. Ray Park, il a fait plein de choses. Il a été dans des séries aussi hongkongaises inconnues que j'ai regardé sans sous-titres, que je comprenais rien, mais je regardais pour les combats. Et il est dedans. Et, en fait, il croque un peu partout. Ouais, il a raison. Mais il est vieux maintenant, il a une quarantaine, même 50 ans, je crois. C'est sûr qu'il est vieux maintenant. Voilà. Enfin, sinon, Tom Cruise. Toujours aussi bon. Mortel. Non, mais le. En fait, vraiment, c'est un problème de rythme pour moi. Mmh. C'est pas du tout un problème. Le film en lui-même est bon, mais c'est vraiment un problème de montage et de rythme. Ouais. Il y a des scènes qui sont beaucoup trop longues, quoi. Mmh. Vraiment. La fin, mais c'est interminable. Ouais. Il y a un côté aussi où on met des films de 2h20, surtout dans les blockbusters. Tout simplement aussi avec. Qu'est-ce qu'il y a, Tommy ? Non, tu peux le dire. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Je voulais demander si t'avais ton chargeur. Ah, ok. Non, le problème aussi avec Tom Cruise, c'est que. Pas avec Tom Cruise, pardon. Avec les films de 2h20 comme ça, c'est qu'on sent que l'américain, bah, le ticket il est assez cher, donc il paye son ticket. Ouais. Et qu'il faut un spectacle de 2h, 2h20 et pas 1h30. Comme nous, des moments, on peut payer un certain prix pour 1h20. Mmh. Des moments, ça peut arriver. C'est pas du tout le même. Et prix, on sent tendant, c'est pour ça qu'il y a des longueurs, j'imagine, qu'on va étirer le matériau pour vraiment arriver à 2h20 en mode j'ai fait un blockbuster, parce qu'un blockbuster c'est 2h20 et c'est pas plus. Ouais, mais ça, je trouve ça c'est généralisant. Pas moins, parce que c'est les blockbusters qui ont vachement généralisé ça. Qui dure de plus en plus longtemps, même des petites comédies, mais ça peut durer presque 2h. Après, c'est les gros films d'industrie, faut pas être surpris non plus. On n'est pas Sundance comme. Mais je trouve que c'est ça qui est marrant. C'est pas de l'art, c'est de l'art, mais différent. Parce qu'au final, plus on avance et plus on mate de séries, et moins justement on arrive à supporter un film de 2h, et pourtant plus les films sont longs. Alors que. Au final, il devrait être plus court parce que justement, le format série fait qu'on est moins habitué à ça. Quoi. Ouais. Il y a tellement de films où tu te dis, ils auraient pu couper. Enfin, mais là, c'est totalement. Après, il y a des films où ça fait le contraire. Ils auraient dû mettre plus de scènes. Ça arrive aussi. Il y a aussi ouais, mais ça arrive pas rarement. Ça, ça m'est arrivé récemment, mais j'ai oublié le nom. Moi aussi, j'ai vu un film récemment, la fin, c'est dommage. C'est ce qui revient toujours. C'est quand même la critique qui revient, moi, à chaque fois que je vois un film. Le plus souvent, c'est trop long. C'est trop long. Ça, on aurait pu couper ça. Mais c'est vrai que on parlait de Black Hatman aussi en off. Enfin, c'était pareil. Il y avait aussi des scènes qu'on pouvait couper. Les premiers films comme ça qui ont été trop longs, j'ai trouvé, c'était les Harry Potter. Durer une éternité alors qu'on était des gosses. Mmh. Un gosse, ça a pas la patience, tu vois, de rester 2h40 devant le. Moi, je suis pas d'accord. Avant le Seigneur des Anneaux, les Harry Potter. Le Seigneur des Anneaux, c'est celui qui a démocratisé. Moi, je suis pas d'accord. Mais t'as lu les livres ou pas? Oui, j'ai lu. Oui, mais parce que justement, il y a pas assez de choses dans les Harry Potter même. Mais je trouve que c'est trop long quand même. C'est le problème d'adaptation de bouquin. C'est trop long. Je trouve que c'est trop long quand même. Moi, non, ça m'allait, je sais pas. Gosse, j'ai pas eu de soucis. Justement, Harry Potter, ils sont tellement coupés qu'il y a beaucoup de moments. Oui, il manque plein de choses, j'imagine. Quand tout ce qui vient d'un bouquin, c'est tronqué. Mais. Parce qu'ils l'ont divisé même le dernier. Moi, vraiment, les films qui me dérangent là-dessus, c'est les Hobbits. Le premier encore, c'est les Hobbits. Ah, les Hobbits, ça a été rallongé. Sur Seigneur des Anneaux, tu fais 3 longs films avec des livres comme ça, donc ok. Le Hobbit, tu fais 3 films super longs avec un seul livre comme ça. C'est 3 films, je crois, le Hobbit. C'est 3 films. C'est un bouquin. C'est un seul bouquin et 3 films sur un livre. Un bouquin comme ça. Même le Seigneur des Anneaux, c'est un bouquin, normalement. Non, c'est 3. Non, c'est 3. Il y a un 0-3 chapitre. Nous, il est vendu en 3. Alors, j'ai toujours que la sœur, elle a les 3. Mais les 3, en fait, ils ont coupé, c'est ça. Ils l'ont coupé, mais c'est un choix d'édition. Tolkien, il a sorti le livre. C'est comme le film. Alors que le Hobbit, franchement, il colle. Alors, ne parlez pas en même temps, on ne comprend plus rien. Le Hobbit, c'est un petit livre, quoi, de base. Le Hobbit, c'est un conte, ouais. C'est un conte, voilà. C'est une introduction. Tu peux le dire. Gautier. Gautier. Je sais plus ce que je disais. Non, c'est pas grave. Non, je voulais te dire aussi pourquoi on peut regarder une série aussi de 20 épisodes, de 12 maintenant, parce que maintenant on est passé à 12. Sur le drama, c'est aussi parce qu'on peut sur les sitcoms. Approfondir les personnages, c'est ça qui, je crois, qui nous intéresse dans les séries. Mmh. Et dans les films, ça manque, quoi. Mais c'est toujours dans un film, mais non, là, je suis allé voir Première Année, là, de Thomas Lipton. Ça manque de ça. On sent qu'il y a 1h30 et on se dit, mais il y a des scènes, on aurait aimé un petit peu plus de profondeur dans la psychologie du personnage, c'est un peu trop facile. Il y a 3 plans, on a compris, boum, l'image, c'est ça. On connaît mais des fois, ça ne concerne pas que la durée, c'est plus c'est au niveau du scénar que ça bloque. C'est pas le temps. Si, c'est pas en rallongeant que ça va changer. Des fois, il y a des films, ils prennent le temps de présenter les personnages, c'est justement ce qui fait tout foirer. Ouais, je sais pas. Non, le temps, c'est la durée, ça détermine pas du tout la qualité du film. Il y a même des séries, comme tu dis, où justement c'est fait pour approfondir les personnages et où ça le fait pas. Mais des fois, une scène de 5 minutes, tu peux approfondir énormément de personnages. Ça dépend du jeu de l'acteur, ça dépend plein de trucs. On est d'accord, mais après, il y a toujours des contre-exemples. Inception, ça dure 2h20, on a l'impression qu'il dure 1h30. Non, mais quand je dis l'impression, c'est vraiment quand t'es dedans. Non, mais quand t'es dedans le film, ça c'est ce qui arrive. Quand on est en connexion avec le film, ça passe très vite. Et inversement, des montes à 1h20, c'est interminable. Par exemple, là, j'ai vu hier À la merveille de Terrence Malick. Après Terrence Malick et moi, c'est une autre histoire. Mais 1h40, tu les sens, là, 1h40. Tu le ressens, là, l'heure 40. Et quand t'arrives à la fin, t'es quand même content un petit peu. Mais c'est bon, c'est ce qui arrive. Sinon, alors, petite question par rapport aux États-Unis, quand on voit un film américain, dans un cinéma américain, est-ce qu'il y a une ambiance de dingue ou pas? Est-ce que les gens applaudissent? Est-ce que les gens font wow? Parce que mon frère habite là-bas et il m'avait vendu le truc en mode genre, ouais, bah, quand. T'as des moments un peu genre avec le drapeau américain ou des trucs comme ça, tu les vois, ils sont fuck yeah, yeah. Mais genre, moi je l'ai pas vécu. Après, les deux films, je suis allé voir, il y avait pas grand monde sur Fallout. Et c'était une Crazy Rich Asians, c'était plus une, enfin c'était une première, donc c'était vraiment, bah forcément les gens ils se sentaient un peu, enfin il y avait beaucoup d'asiatiques, donc forcément ils se sentaient comment, concernés, plus concernés, merci. D'accord. Mais aussi, c'est peut-être aussi aux avant-premières aussi. Peut-être qu'ils sont un petit peu plus fous que nous, même s'il y a une bonne ambiance aussi en France. Mais je pense que les Américains, ouais, c'est les vrais fans du film aussi. Moi, c'est peut-être ce qu'on disait, ouais, genre par exemple. Déguisement. Balance de popcorn. Non, ouais. Non, mais genre, ça crie, ça pleure quand certains personnages dans Ah, c'est moins contenu, quoi. C'est... Ah oui, d'accord, tu veux pas spoiler, c'est ça? Non. Bah, même dans Avengers, vous l'avez vu, Avengers, hein. Mais j'ai pleuré. Quand Thor arrive, toute la salle, moi, s'est levée. Ouais, c'est ça, ah, ouais, exactement. Toute la salle s'est levée. Sans déconner. Ouais, moi, j'étais... Ils se levaient, ils criaient, pour eux, c'était... Ouais, okay. C'est ça, ouais. C'était la Coupe du Monde. Ah bah, alors, comme France, si la France gagnait la Coupe du Monde. Comme ce qu'ils ont tout caché, c'est certains grands films. Ah, moi, j'ai vu des gens qui applaudissaient à la fin de Black Clansman. Ouais, bah pareil. C'est peut-être même trop approprié. Même Black Panther aussi a eu ça. Mais c'est normal, on ne peut pas s'étonner de ça. C'est qu'il y a un message qui est, pour le coup, voilà, qui se lit, enfin qui est... qui se lit facilement, quoi, qu'il n'y a pas besoin de savoir lire entre les lignes. C'est pour... sûr, là, c'est... Donc, du coup, n'importe quel... Et c'est fait exprès, en fait, ça parle aux plus idiots d'entre nous, n'est-ce pas? Yes. Sans insulte, je veux dire, ou quelqu'un qui, par exemple, quelqu'un qui ne va jamais au cinéma... Et qui n'est pas forcément concerné. Ne peut qu'aimer Black Panther. Non seulement il s'est amusé, il a vu des effets spéciaux, mais en plus, c'est Black Power. Hmm. Ouais, c'est ça qui me dérange, moi. Pourtant, bah, c'est du marketing. Non, mais c'est du marketing. Oui, c'est sûr. C'est du marketing, hein, c'est sûr. Mais quand même, ce film, moi je trouvais intéressant quand même le combat entre les deux. Le combat entre Scar et Simba, je veux dire, Ah oui, c'est ta théorie. contre son frère, parce que c'est deux, en fait, c'est la sagesse, on va son dire, cousin, contre l'extrême, en fait. L'extrême. Ouais, mais c'est con. Voilà. Dans l'extrémisme. Pour moi, c'est le Roi Lion. C'est le Roi Lion. Alors, c'est peut-être très con, mais en même temps, c'est nouveau dans un Marvel quand même. On parlait pas d'extrémisme, on parlait pas du côté où on va conquérir les blancs, entre guillemets, et prendre le pouvoir. Bah, c'est ça qui est gênant, moi ça me gêne. Bah, c'est ça qui est nouveau, qui est bien, je trouve. Ça me gêne quand le mec dit ouais, bah, c'est les blancs. Scénario. Après, tu peux ne pas aimer, mais le mec, tu vois ce que je veux dire, c'est bizarre. Il n'y a pas ce côté de domination. Après, c'est juste les maîtres dire bon, bah voilà, bah, pour le coup, dans cette histoire, c'est eux qui sont en haut, quoi. Mais ils sont pas seuls. Oui, mais même... c'est tout un univers, tout un monde, tu vois, les Marvel. Et bah voilà, bah, vous avez des personnages. Ouais, mais même le message du personnage machiavélique, l'antagoniste, c'est son message à lui, mais c'est pas le message du film, on est bien d'accord. Donc c'est pas ça qui est gênant. Bah si, ça devient le message du film parce que c'est ce que les gens ont retenu. Le message du film, c'est ce que les gens retiennent, en fait. C'est pas ce que le réalisateur a voulu faire passer. C'est pas ça qu'on retient. Après, voilà, il faut être idiot pour avoir compris ça, mais. Bah tout le monde a compris ça. Non, mais on comprend ça, mais ce que je veux dire, c'est la fin, c'est pas ça le message, on est d'accord. C'est le personnage qui a le plus été retenu dans ce film, c'est le méchant. Ah bah, bien sûr. C'est le meilleur méchant Marvel, tout le monde dit ça. Oh, je suis tellement pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Parce qu'il y a un côté Black Power. Voilà, non, mais d'accord, moi j'aime bien Michael B. Jordan, je trouve que c'est un excellent acteur. Mais à la fin, il dit ouais, je préfère mourir comme mes frères et esclaves qui sont tombés. Amistad, bon, quoi, tu vois, c'est très mauvais. Très mauvais, je suis d'accord. Bah, je suis pas d'accord avec vous, je suis désolé. Mais je trouve ça, au contraire, original de l'avoir fait. Et on peut ne pas aimer le. Oui, mais je vais te laisser la parole, mais on peut ne pas aimer le message. Mais c'est un message d'un personnage, pas du film. Et si tu comprends que c'est le message du film, il y a un côté où il y a une connexion qui s'est. Après, c'est peut-être un problème de réalisation, et là, on peut débattre dessus. Mais... Ouais, je sais pas. Moi, j'ai très bien compris le message où on avait le côté un peu sage du héros. Où lui, il veut une communauté, noble, les deux communautés qui... Voilà, idéaliste. C'est l'idéal contre le... C'est ça, c'est l'idéalisme. Contre le pragmatisme. Contre le... Exactement. Mais les gens n'ont pas forcément compris ça, comme il disait. On a surtout retenu le méchant, est-ce qu'il disait est-ce qu'il il aurait dû gagner, moi j'ai vu des tweets. Ouais, il y en a eu beaucoup. Il aurait dû gagner, c'est oui, en fait, après, il aurait dû... Bon, voilà, mais peut-être parce qu'on est en France aussi, peut-être qu'aux États-Unis, le problème est beaucoup plus extrême et beaucoup plus ancré. C'est clair, et je trouve que c'est une erreur pour de... Enfin, même si on rencontre des problèmes un peu similaires ici avec... évidemment la communauté noire aux États-Unis c'est une autre histoire, c'est clair. Ça date depuis 60 ans plus historiquement. Non, mais moi j'étais témoin de trucs du genre, j'étais rajouté dans un groupe. Alors, je dirais pas de nom ni non, ça, mais un groupe avec que des joueurs black, pourquoi faire des joueurs de jeux vidéo black. Et là il y a un moment, il y a un des responsables qui dit il y a pas trop de monde qui parle, est-ce que je dois supprimer le groupe? Donc moi j'ai pris la parole et je commence à dire on ségrègue nous-mêmes en fait en faisant ça, en faisant un groupe c'est du communautarisme. Deuxièmement, c'est un peu du raciste du coup envers les autres. Ils disent mais non, alors Jean m'a dit c'est une le noir n'est pas raciste. Je suis désolé, je suis métisse, J'ai eu des noirs pour eux, j'étais un blanc et qui me crachait presque dessus. Ah, j'ai eu des noirs qui me crachaient presque dessus parce que j'étais un. Enfin, t'es chez toi nulle part, c'est comme nous, voilà, c'est on en habite en France, tu vois. Sans le racisme, il n'y a pas de couleur. Et on sait pas. Et là, ils disaient, ouais, non. Alors que dès que c'est des noirs, on dit quelque chose, alors que quand c'est des juifs ou les chinois. Je dis, ah non, non, moi je suis pas d'accord pour tout. Même pour n'importe quelle origine. Moi je trouve que c'est tendance. Mais le racisme, c'est de la connerie, il y en a partout. En plus, déjà, le racisme, même ce terme ne devrait pas exister, parce qu'on est tous de la même race, on est tous humains. On peut pas être raciste. Ouais. Hein. Mais bon, bref, je pars trop loin. Quel message humain. Oh, Tommy. Mais je répète quand même que c'est un film. Et c'est ça le souci, c'était que si tu. En fait, il y a deux idées qui se confrontent dans ce film. Et on les comprend très bien, les deux idées. Et au final, on sait très bien que le réalisateur, il a pas Il peut avoir, mais. Je sais pas comment l'expliquer. Moi, j'ai trouvé ça original pour un film Marvel et Disney, parce que c'est Disney quand même derrière, d'avoir abordé ce sujet de cette manière-là, avec cette force-là. Point. Parce que t'as compris, mais après, peut-être que c'est. Oui, mais on est d'accord. Les amalgames. Il y a des gens qui ont peut-être compris, qui ont été énervés d'une autre manière. C'était du racolage. Franchement, c'était du racolage de la communauté noire. Oui, bah oui, parce que pourquoi c'est le Marvel qui a le plus marché Parce que tous les renois sont allés le voir. Parce que je suis désolé, c'est pas le meilleur de Marvel du tout. Mais c'est normal, moi, indigène, j'y suis allé, indigène. Ouais, moi aussi. On me dit Algérie, tout ça, j'y vais, évidemment. Bah oui. C'est logique. Mais c'est intéressant, ouais, après, chacun a son opinion sur la question. Et quand mais... ça critique indigène, je me sens pas bien aussi. Donc voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Non, mais après, chacun a son opinion sur Black Panther, mais je trouve que. Toi, pour toi. En clair, c'est que ce film, il va aller chauffer une certaine communauté qui est dans... Mais comme les films LGBT, comme les films c'est des ciblé, Indiens, hein. De genre Slumdog Millionnaire, comme tous ces trucs-là. Tu en penses fait. Qu'il y a un tout. Message qui est pas bon, tout. Quoi. Oui, comme les films féministes. Mais en même temps, tout. C'est un film. Enfin, pas bon. Je dis pas qu'il est pas bon. Ce serait un message non, totalement... Non, je dis pas que c'est pas bon. Je dis que c'est pragmatique parce que c'est du marketing. Ouais. Voilà. Le problème, c'est qu'après, faire attention à pas toujours surinterpréter. Tu vois, mais toujours ce. Ah là, c'est un blockbuster, Léa. Donc, je me suis dit, c'est sûr que c'est ça. Ah, mais moi, je l'ai pas vu. Black. Quand c'est un film indé, je veux bien. Non, mais quand t'as un message fade dans un Marvel, on dit, ouais, c'est un film Marvel, c'est classique, on a déjà vu ça mille fois. Ouais, non, mais c'est. Et quand t'as un truc nouveau, entre guillemets, mais c'est une proposition. Après, peut-être c'est raté. Moi, je dis pas non plus que parlons c'était de Thor. Parlons de Thor Ragnarok, qui est une comédie Marvel et qui est la meilleure. Et ça, c'est une nouvelle proposition. C'est une bonne nouvelle. C'est le Gardien de la Galaxie à l'époque aussi. Exactement. Plus musical en plus. Ça a changé. Mais voilà, tu vois, c'est des propositions. Mais après, je suis d'accord avec toi que c'est vrai que ça va chauffer une communauté où ça va peut-être rajouter encore plus de racisme alors que c'était le message contraire au départ. Peut-être, mais c'est un film. Il y a plein de films qui dénoncent. Après, chacun est un être humain et on est intelligent. Bah, on est intelligent. Chacun a son intelligence, on va dire. Et après, on choisit les messages qu'on veut. Bon, après, c'est des films. Pareil, mais au moins, c'est un film qui divise. En même temps, c'est ça aussi qu'ils ont réussi. C'est-à-dire, au final, ce que tu dis, t'as pas tort. Ils ont réussi leur coup marketing. Ils ont réussi. Ça divise les gens et en même temps, ça les rassemble. Il y a des fans de Marvel qui sont venus. Les curieux de Marvel comme moi qui sont allés le côté et la Black communauté aussi, et même Black. Je suis sûr il y a certains de la communauté Black qui ont vu aucun Marvel qui sont été parce bien que sûr, c'est évidemment Black, évidemment moi j'ai vu des papas des darons qui s'en foutent quoi. Après c'est vrai qu'ils ont fait une vague avec c'est le premier super héros noir, ce qui est un peu faux parce que non, si on cherche un petit peu Blade. Il y en a d'autres mais Blade, oui, Blade. Blade. Bon après c'est un héros pas vraiment mais bon oui c'est vrai c'est un héros quand même c'est le personnage principal. Par exemple tiens dans le même registre Luke Cage la série sur Netflix il y a tout un épisode basé sur la police et les noirs. Bah, j'en ai jamais entendu parler, personne me l'a jamais sorti. Alors que moi, j'ai été subjugué devant l'épisode. Il y a un passage avec Method Man qui fait un son Black Power et sur des images de Luke Cage qui fuit la police, qui se fait tirer dessus, toute la communauté d'Harlem qui le soutient. Mais ça, c'était super ça, c'était fort. Bien. Et dans Black Panther, il n'y a pas ça. Dans Black Panther, on t'invente un pays bon, fictif. Bon, après, voilà. Ouais, mais après, c'est du Marvel, tu vois. Oui, oui. Après, à l'époque, dans les années 60, cool. Quand il y avait du rap et tout, c'est stylé. Non, c'est bien le Black Panther a été créé dans les années 60 en comics, c'était déjà aussi un peu fait à l'époque. Hein. C'était d'accord. Aussi pour un peu, voilà, une meilleure image. C'était aussi, comment il s'appelle ? Le créateur de tous les personnages. C'était lui aussi ? Stanley ou pas ? C'était le deuxième. C'était Steve Kirby qui a créé. Jack Kirby. Parce que je ne suis pas un expert de Marvel, mais est-ce que Stanley supervise tout ? À chaque fois, dès Stanley, qu'il y a un Stanley, en plus donc d'être, il valide Black Panther, en plus d'être, aujourd'hui je sais pas, mais en plus d'être dessinateur, il était aussi scénariste, c'est-à-dire qu'il n'était pas obligé d'être le créateur de personnages, mais il écrivait leur histoire. Donc. Okay. Donc je pense qu'il a participé. Oui. Et ben on a dérivé sur un débat Black Panther, mais pourquoi pas. Et puis après on dérivera aussi sur un autre débat Black Huntsman, mais après ça encore autre chose. Et alors non, j'imagine que le prochain c'est Black Huntsman que tu. Non, j'ai vu d'autres films. Alors dis-moi. J'ai vu Les Indestructibles 2. Oui. Ah, je sais que Léa l'a vu. Est-ce qu'il y en a d'autres aussi qui l'ont vu? Bien sûr. Tommy, ah bah tout le monde, bah, sauf moi. Je suis obligé. Hein. 14 ans d'attente. Ismaël aussi. Ismaël est arrivé et j'ai envie de lui dire bonjour. C'est vrai qu'il était un peu sur le côté, il est arrivé un peu silencieux, c'est bien. Bonsoir. Bonsoir Ismaël. Ça va? Comment vas-tu? Ça va bien. Un peu en retard, au moins une demi-heure, mais. C'est pas grave, ne t'inquiète pas. J'étais sûr, j'ai raté. On a fait un petit jeu sur les âges des acteurs. J'ai donné des très mauvais surnoms aux personnes qui sont ici présentes. Ah, moi j'en ai rien ou pas? Retardataire. Non, je sais pas. Oui. C'est Luigi. Parce que Luigi n'est rien sans Mario. Donc, et moi, c'était quoi du coup? Toi, c'était le retardataire. Toi, ça. Ah, c'est moi le retardataire. Attends, tu te fous Ismaël, on avait un rendez-vous avec monsieur et monsieur n'est pas venu. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Attends. C'est vrai que t'es un bon lâcheur, Tommy. Hein. Je me permets bon de le lâcheur, dire. Je t'aime beaucoup. Je t'adore. Est-ce que vous réglerez vos comptes? Léa me parlait d'indestructible. Oui, indestructible. Bah, Léa, ça te fait. Ça m'a ramené à passer la parole. Alors. Pourquoi être allé voir Indestructible 2? Est-ce que c'est parce qu'on a adoré le 1? Parce que moi je l'ai attendu pendant 14 ans et quand j'étais sorti de la salle. Attends, répète ça. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que tu. Ah non, vraiment, quand j'étais sorti de la salle, j'imitais la femme élastique, donc j'étais vraiment petite, je sais plus quel âge j'avais. Et je me rappelais du Hastibre. Tu faisais comment pour imiter la. J'étais petite, enfin bref. Et du coup j'attendais vraiment la suite. Et dans la salle, j'étais surprise que dans la salle, ils avaient tous la vingtaine, c'est-à-dire que genre toute la génération attendait la suite. Ah bah oui. Ce qui fait qu'il n'y avait quasiment pas d'enfants, moi, alors, dans la salle. Je te dis la vérité, je n'ai jamais attendu la suite de ce film. Parce que ce film, quand t'as 8-10 ans, et vraiment, ça me donne envie de le voir, parce que je pense que ce n'est pas un film pour enfants, autant être honnête. Quand j'étais gosse, quand j'ai vu ce film, j'ai trouvé qu'il était un petit peu trop intellectuel. Sérieux? Mais je te jure. Ah non, c'était toi en tant qu'enfant qui était. T'étais assez débile, non? Peut-être. Non, mais ça m'a pas passionné en tout cas quand j'étais gamin. Voilà, ouais, on c'est jamais un film que j'ai aimé. Plus toutes les enfants, plus ou moins brisées. On est d'accord. Tu parles de Disney intellectuel, Pixar. C'est pas le meilleur. Ah non, Pixar, attends, mais Les Indestructibles, quand même, j'ai un côté quand même très. Sur le statut super-héros, sur comment on va se comporter avec les gens, comment la célébrité, tout ça. Il y a quand même tout Disney ça autour. Intellectuel, moi je mettrais plus l'Atlantide. Mais c'est Pixar. Hein, Pixar est toujours intellectuel. Hein, Toy Story. Mais Pixar et Disney, c'est différent, même s'il a un parti. Pour moi, c'est Disney quand même. Non, c'est pas pareil. Le 1, il était pas trop action quand même. Il y avait 3-4 séquences d'action. Mais quand tu dis intellectuel, non, mais ce que je veux dire, c'est que pour les gamins, parce que ça a l'air d'être un film pour enfants. Mm-hmm. Mais il y a deux discussions. Ouais, là c'est pas bon. Désolé. Vous allez continuer après. Parce que c'est un film pour enfants, donc c'est un film familial. Ce qui est important, c'est d'essayer de trouver l'équilibre entre les deux. Et j'ai trouvé qu'il y avait plus un équilibre pour les adultes que pour les enfants. Je trouvais que ça a délaissé le côté on va voir un film spectacle. Moi, j'ai pas trouvé. Mais ce qui est bien d'un point de vue, mais pour un enfant. Mais c'est mon avis personnel. J'ai peut-être tort. Mais sinon, alors pourquoi tu. Est-ce que tu as aimé ce film, Indestructible 2? Oui. Parce qu'il paraît que c'est la suite directe. On arrive à la fin. Ouais, ça, c'est cool. La suite. Il doit y avoir un troisième, du coup. Hein. Je pense. C'est à peu près sûr, vu la dans fin. 10 ans, quoi. C'est ça. 14 ans. Dans 13, du coup. Non, il faut moins, c'est sûr. Oui, là, je pense qu'il. C'est quoi l'histoire? Alors, on est vraiment dans la suite et il se passe des choses intéressantes ou comment? Alors, moi, j'ai pas revu le premier. C'est du grave. Coup, non, mais du coup, je pourrais pas être certifié que c'est directement la suite. Ah, si, mais oui, c'est directement la suite. Ah, si, c'est vraiment. Je revois le premier. Le premier se finit avec le mec qui est un mec qui sort de terre qui attaque. Ça commence comme ça. Ouais. C'est vraiment la suite. Du coup, ça s'enchaîne directement. Tu peux mettre les films côte à côte. Direct. Ok. Ouais, il faudra que je revoie le premier. Mais et du coup, c'était que j'ai perdu la question. Bah, je sais pas, raconte-nous ton avis sur le film. Est-ce qu'il était intéressant? Est-ce qu'il était fun? Est-ce qu'il était rigolo? Est-ce qu'il était. Comment ils l'ont. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Alors, ils sont allés dans la même patte, dans la même veine que le 1. Je dirais et même puis patte, en essayant de faire mieux. Bah, moi, j'ai trouvé au niveau par rapport au 1, oui, c'était vraiment la même patte, la même chose. La continuité, quoi. Ça se suit vraiment, au niveau des personnages, tout. Et après, moi, je sais pas, j'ai un. Après, c'est peut-être aussi, je pense, il y a une grosse partie de nostalgie avec ce film-là. Je l'attendais vraiment et j'ai pas été déçu. Alors que d'habitude, quand il y a une attente vraiment autour d'un film, je suis quasiment tout le temps déçu. Et là, d'accord. Non, j'ai pas été déçu. Ok. Donc, et la bande-annonce, t'as pas spoilé j'imagine que t'as peut-être jeté un coup d'œil sur la bande-annonce avant, non? Non, justement. Pas du tout, t'as parce évité. Que, ouais, je m'étais interdit de. D'accord. Je voulais pas être spoilé, mais. Ok, alors tout le monde l'a vu. Alors, donc, ouais. Tommy, t'as aimé ou pas? Oui, j'ai bien aimé. Ouais. Juste. Par ouais, rapport ça... au 1, parce que tu. Est-ce que tu alors, est-ce que tu te rappelles du 1? Oui, j'avais regardé pendant avant. Ouais. Moi, je me suis remis. Franchement, ça reste à peu près dans la même patte. Ouais. Pour dire le 1, on se base plus sur le père. Là, c'est plus sur la mère. Sur la mère, d'accord. Ce qui est dommage. Non, c'est aussi sur le père. C'est oui, quoi, le père aussi. Mais il y a quand même. C'est pareil que Disney et Pixar, tu dis n'importe quoi. Parle bien. Attention, il va être une patate là. De loin, il va être une patate. Mais non, mais quand je dis c'est échangé. Sur le oui, père, le père de foyer. D'accord, mais quand je dis c'est échangé, c'est que c'est dans le premier, c'est le père qui partait et tout. Non, là, c'est la mère qui part. Mais enfin, ok, on voit dans le plus le père que le 1, que c'est la mère. Pareil. C'est pareil, sauf que c'est inversé. En fait. Voilà, c'est inversé, ouais, c'est ça que je veux dire. Ça parle de, même le 1 par les deux. Je sais pas qu'on voit plus. Oui, mais c'est pas. Non, j'ai mal exprimé. Mais je voulais pas. Je disais pas qu'on voyait plus la mère que le père. C'est que c'est en gros, c'est un peu échangé dans 1. C'était le père qui partait et tout. C'est un miroir. Là, c'est la mère. J'aimerais bien que dans le 3, mais comme il dit, t'as la vie du père au foyer et femme héroïne. Je trouve. Oui, ça c'est très important. Par contre, je trouve Flèche est un peu. On s'en fout un peu. Avec Flash, c'est le personnage qui est le moins développé. Même Jack-Jack est plus développé que lui. Ouais, c'est vrai. Ah, Jack-Jack, il est super développé. Jack-Jack, c'est le bébé. Le bébé, ouais. Je trouve la Flèche, c'est dommage. Encore Violette, il y a encore un petit peu son histoire. Mais il sera présent dans le tome 3. Mais c'est quoi le concept du film, en fait? Parce que c'est quoi? C'est Woman Power. Ouais, Woman Power. La femme va travailler et le garçon, l'homme reste à la maison. Est-ce qu'il y a un antagoniste de ouf ou pas du tout? Non. Bah, c'est promo pour le congé maternité. Ouais. Ouais, non, mais il y a un plot twist grillé déjà. Calculé à 40 km. Mac, c'était grillé. Donc en fait, si je comprends, si je fais un résumé de tout ce que vous dites, c'est un film qui passe. Ouais, en fait, les scènes d'action sont vraiment super bien. Avec la moto sur le train, enfin, j'adore. Ah ouais, non, mais tout, franchement, si tous les films d'action pouvaient ressembler à ça en termes de réalisation, ce serait top. Ah non, mais il est très bien. Mais ça, le 1 était très bien et le 2 est très bien. Enfin, pour moi, ça va. Du coup, c'est pas. Ils sont de même niveau. C'est inégalitaire là pour le coup. Ils sont même niveau. C'est un bon Pixar, un très bon Pixar. Franchement, ça arrive qu'il y ait des films qui. D'accord. Les deux sont moins bons que les premiers, là, ils sont même niveau, je trouve. Je reverrai le 2 plus que le 1, honnêtement. Ouais. Le 1, il a quand même vachement vieilli. Ah, je l'ai regardé, moi, il m'a pas dérangé. Ouais, mais c'est peut-être une raison aussi pourquoi ils ont attendu, parce que ça arrive aussi qu'ils attendent longtemps pour faire un 2, parce que l'évolution de la. Bah, il n'y a pas eu de grands changements entre les deux. Moi, il y a un truc que je trouve incroyable, c'est que du coup, vu que ça fait 14 ans, ils ont dû recaster en fait les voix. Et ça passe en fait. Ah, propre. Ouais, ça passe en très propre. Il y a des voix de stars, mais on ne croit pas là. Je sais que le père, c'est Gérard Lanvin. Il y a Loan, je crois que la fille, Violette, c'est Loan ou un truc comme ça. En VF. Mais en VO, ils ont gardé les mêmes, je crois. En VO, ouais. Mais ça passe quand même bien. Je regarde les Disney et les Pixar, je sais pas. Je regarde en. En VF. En VO, moi, toujours. Ah, bah, après, tout ce qui est dessin animé, ça Disney, passe en VF, mais en VO. Après, ça, c'est un grand débat. Ouais, c'est un grand débat. Moi, de toute façon, quand tu vas au ciné, c'est en VO à Paris. Donc, non, c'est en VF. Pas dans mon cinéma. Ça dépend des heures, en fait. Ouais. Si le soir, c'est des dessins animés, la journée, c'est en VF. Pour les enfants, le dessin animé, c'est souvent en VF. Et les Japonais, souvent en VO. Rarement en VF. Sauf quand c'est des One Piece ou je pense que le problème de la VF aujourd'hui, c'est qu'ils font de plus en plus appel à des gens qui ne sont pas acteurs, ça, qui ne sont pas doubleurs à la base. Et c'est ça qui me gêne vraiment, tu vois. C'est un grand débat, ça. Mais je pense qu'on avait commencé un petit peu. On avait le doubleur de Rachid. Je sais pas si tu te rappelles, mais sur One Punch Man aussi, où tu disais que tu faisais un coup de gueule, et sur aussi l'autre film, comment il s'appelle, avec Madame Faka. C'est ça. Et tu avais poussé un coup de gueule parce que tu disais qu'ils ont choisi Orelsan pour son nom. Entre guillemets, ouais, c'est ils ont mettre le nom sur l'affiche que triste, pour la qualité triste, du... Mais je me suis renseigné et je crois que t'as raison sans avoir vraiment raison. Je pense que t'as 50% raison dans le sens où c'est vrai qu'ils prennent Orelsan parce que c'est un nom et que ça va peut-être faire vendre. Mais d'un côté aussi, le personnage de One Punch Man, pour prendre cette série-là, correspond vraiment bien à Orelsan par rapport à la personnalité. Donc aussi, ils font un choix par rapport à la personnalité. Après la qualité, je comprends pas. Chacun a un avis. Je pense pas que c'est un mauvais acteur. Il suffisait après, franchement, je ne pense pas qu'il lui ressemble. C'est pour rebondir aussi, ils choisissent souvent des moments, ils font des erreurs, mais ils choisissent souvent des voix connues, mais en faisant attention à la qualité et puis aussi à la correspondance aussi de la voix. Non, mais quand même, il y a un le travail. Le film Bob l'éponge, tu prends... l'as vu en VF. Oh putain. Alors non, mais alors le deuxième, parce que le premier, Sam, je l'ai vu en VO, parce qu'en plus je l'ai vu avec Antonio Banderas, donc là j'étais en mode Antonio, pourquoi t'allais là. Mais le premier, il était goldé, je le précise encore, j'insiste, regardez le premier. Très bien. Lego Batman avec Griezmann, avec tu l'as vu en VF ou pas? Non, j'ai pas vu du tout. Voilà. Mais parce que moi j'ai pas pu aller le voir au cinéma parce qu'il n'y avait aucune VO. Lego Batman. Il n'y avait aucune VO. Et ça te bloque. En plus, c'est de la comédie, donc en plus la VF. Il y avait Goldorak avec Arnaud Ducré aussi, si tu veux. C'est vrai. Putain, ils ont fait ça. Non. Ah oui, Marrakech du rire, mais avec des robots. Le gros patch rouge sur l'affiche, non? Ouais, c'est ça, Arnaud Ducré. Ouais. Mais ça arrive, ça c'est un grand débat, le doublage. Mais quand même, pour prendre un exemple, je prends un exemple avec L'île aux chiens, où ils ont fait un casting très star. Ils avaient pas le droit à l'erreur. Mais ils ont fait très attention aux voix. Et Vincent Lindon, Louis Garrel, c'était parfait. Non, ils avaient pas le droit à l'erreur. C'est des acteurs. Je connais pas leur boulot. Je connais pas des youtubeurs, des footballeurs. Je connais pas la boîte de distribution de la localisation en VF des films de Wes Anderson. Mais de manière générale, la plupart de ces films, ils sont très très bien doublés, je trouve. Mais je pense. Après, quand c'est des acteurs, c'est pas pareil. Parce que t'as quand même un travail de la voix. C'est comme tu disais, comédien, youtubeur, footballeur, c'est. Non. Ouais. Puis on rappellera aussi que Koei a fait Garfield une. Oui, une... Jack Black dans Rock'n'Roll. Ouais, il paraît que c'est le pire doublage du monde. Et il faut savoir aussi qu'il est parti en cours de route. Hein, parce qu'il a fait Garfield, il a touché un gros pactole. Il était tellement mauvais qu'il a fait des. Il y a eu un clash avec l'équipe de doublage et il est parti. Donc après, ils ont fait un mix voix. Dit, ouais, tu sais, quand tu trafiques les voix pour faire des mots avec sa voix. Donc, Google Trad, quoi. Il y a une vidéo d'explication avec. Alors, je vais vous retrouver le youtubeur qui fait ça, où c'est un spécial doublage. Ah oui, je connais. Sur le doublage, il est génial, ce mec. Il fait des grandes recherches. Non, je crois pas. Je crois que c'est un autre nom, faut vérifier. Mais peut-être. Mais super, très intéressant, surtout sur l'animation. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'était l'animation. Le doublage en lui-même sur les films, moi, c'est pas. Voilà, je regarde en VO, mais c'est toujours intéressant de voir que c'est un métier. Et que non, mais il y a des grands doublages. Quand même. N'importe qui, quoi. Non, mais il y a des très grands doublages sur les films d'animation. Moi, je pense à mes Disney quand j'étais petit, quand on les revoit. Le doublage est parfait. Mais c'était justement avant, quand tu dis, quand t'es petit. Maintenant, et maintenant, il y a moins de moyens aussi. Faut le savoir aussi. C'est plus rapide, il y a moins de moyens. Avant, il y avait 3 ans entre la sortie américaine et la sortie française. Je pense que c'est plus cher de prendre un footballeur que prendre un doubleur qui moins connu. Mais alors ça, ils le prennent aussi parce que ça va. Je pense quand même. Hein. Après, c'est un gros débat. Je crois même Lego Batman, ils ont pas fait plus de com que ça sur le fait qu'il y avait. Ouais, moi, je l'ai vu parce que j'ai regardé la fiche de distribution sur Allociné, mais. Tu l'as pas vu sur les photomatons là ? Souvent on les voit sur les photomatons. J'avoue. Non, c'est plus les trucs un peu plus obscurs. Ouais, Maya l'abeille 5, tu sais, avec la voix des machins. Et sinon, alors à Los Angeles, alors qu'est-ce que t'es allé voir d'autre aussi? J'ai rien vu d'autre à Los Angeles. J'ai vu que deux films. Après, t'es revenu en France. Après, je suis revenu, donc j'ai vu Le Monde est à toi. Ouais. Ah, je l'ai vu. Romain Gavras. Ah, je sais que t'as beaucoup aimé. Il est super bien. Il est cool, ouais. Il est super bien, mais moi je trouve que c'est un très bon réalisateur. Bah, Janet dedans, d'ailleurs. C'est un très bon réalisateur. Il suffit de voir le clip Bad Girls de M.I.A. pour le savoir, mais. Le Monde est à toi, pour moi, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en termes de films français. J'en ai vu un autre aussi qui mais casting, il n'y a que des stars dedans. Enfin, il n'y a personne au-dessus de l'autre. Tu vois, quand j'ai vu qu'il y avait par exemple François Damien, je me suis dit genre, ça va, franchement, très bon choix. Et au final, non, genre, il est très bon. Et non, mais ça parle en fait des gangsters sur plusieurs générations et c'est vachement intéressant de voir le contraste entre Vincent Cassel qui joue un vieux de la vieille avec je sais plus le nom de l'acteur principal. Karim, qui joue un mec dans nos âges de la trentaine, fin de vingtaine. Et les petits caïds qui partent complètement en couille parce qu'ils. Moi j'ai un petit bémol, c'est le. Tu l'as vu ? Poutine, je crois. Au début, je comprenais rien ce qu'il disait. Des fois, je parle comme ça, je suis juste niqué. C'est ça qui est marrant. Et puis, tu sais, le fait que le mec soit un putain de caïd. Après, j'ai compris, mais au début, j'étais en mode, mais je comprends rien ce qu'il dit. Après, tu t'y fais, c'est vrai. Mais c'était vraiment le bémol du début. Après, ça si passe. Je peux me permettre, moi, j'ai beaucoup aimé son premier film. Parce que je l'ai acheté, j'ai toujours pas. Alors, c'est quoi le titre? Parce que si tu peux me rappeler, Le Morceau Jour viendra. Voilà, et ce que j'avais aimé dans ce film, c'est qu'il y a une réalisation incroyable. C'est vrai qu'il a un talent de réalisateur, ça je peux. Les musiques dans ce film, elles sont dans aussi. Et aussi, oui, il travaille dessus. Après, je t'avoue personnellement qu'il m'a un peu déçu pour le 2 parce que c'est un petit peu plus conventionnel, pourquoi pas. Et c'est très dans la performance tout le temps. Et moi, franchement, à un moment donné, je suis sorti du film. J'arrivais plus à rentrer dedans. Je trouvais qu'on en faisait des caisses. Pour moi, c'est très cartoon en fait. On est très dans. C'est quasiment de l'animation de temps en temps. Il y a un côté où on peut faire cet humour, où on peut faire des trucs comme ça que dans de l'animation parce que ça va passer au niveau du scénario. Et là, on est dans un film live et ça passe. Il y a des trucs qui passent alors que ça passerait pas avec quelqu'un d'autre. On ferait non, mais c'est ridicule. Ouais, non, c'est vrai. Et en fait, il joue avec le ridicule, il joue avec l'humour. Il y a un décalage. Exactement. Et on est dans une réalité qui est pas vraiment réelle. Et en fait, en même temps, ils font des conneries que nous. Mais parce que ces mecs-là sont pas dans la même réalité. C'est pleinement assumé, ça passe quoi. Enfin... Et donc, puis Vincent Cassel, il est extraordinaire dans ce film. Ouais, il est extraordinaire. Ouais. Tout court. Le casting est génial. Le casting est génial. Le casting est vraiment réussi. Il y a la petite jeune de Divine aussi, je crois, dedans. Ouais. Alors, c'est la qu'elle venait. J'en pouvais viser, je vois bien. Hein? Mais après, c'est pas, moi, je suis pas fan justement de tout ce qui est un peu gangster de ce style-là, en fait. Mais moi, parce qu'on est dans le gangster un peu banlieusard. Ouais, bah ouais, c'est ça. Mais je trouvais que justement, c'est que c'était pas trop banlieusard, justement. Parce que moi, en général, ça me gêne ce genre de truc. Et c'était ni trop banlieusard, ni trop hipstéro-banlieusard, un peu à la, Gaspard Noé, tu vois. Hipstéro-banlieusard. Et je trouvais vraiment le... c'était très bien subtil, c'était vrai, bien dilué dans la façon dont ils traitaient le truc. Et c'est pour moi, c'est enfin, ils l'ont vachement... je sais plus qui est-ce qui le disait, je crois que c'était l'acteur qui disait ça, qui disait que c'est l'anti-Scarface. C'est ce truc où en fait, c'est à la française. Et... D'ailleurs, il y a un rapport avec Scarface avec le titre ou pas? Non, à part le en fait, en plus, c'est vraiment le mec qui essaye juste de s'accrocher à la vie et d'essayer de survivre. De survivre coûte que coûte, et juste il a un but en tête et il va jusqu'au bout pour essayer de concrétiser. Après, Isabelle et Jenny, on parle de la mère de Tonya, là, de moi Tonya, elle aussi, c'est une bonne connasse. Ouais. Ah oui, elle joue bien. Dans la vraie vie ou dans le film? Dans le film. Oui. Dans le film, ouais. Ah oui, mais tu m'as fait peur. Je pensais, non, mais comme tu fais de la figuration, je me dis. Ah non, non. Dans le film, l'actrice, joue bien la connasse. Après, moi, j'ai vu que la bande-annonce, mais je trouve au niveau de visuellement, t'as une esthétique, t'as un truc. De toute façon, ouais, d'un point de vue esthétique, le film, il est. C'est hyper soigné, quoi. C'est ça que j'aime bien, c'est que. Chef-op. En fait, c'est que. C'est un film à ambition. Mais c'est pas un film qui se prend à l'américaine. Ah oui, tu vois. Ah oui, et c'est ça que j'adore, c'est qu'il fait ses films à la française, mais avec ambition. Ouais. Et donc, du coup, ça marche. Et puis la zapate en tout. Même dans même dans la musique, la bande-son, elle est géniale. Enfin. Il arrive à créer quelque chose en réutilisant les codes hollywoodiens, mais avec la mythologie française. Non, et bien. Ça marche nickel. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était une réussite complète ce film. Ah, moi, c'est celui que j'attendais et que j'ai plus envie d'aller moi, voir. Ça du coup, pour moi, c'est du flan. Quoi. Du coup, c'est pas réaliste. C'est un peu. Quoi. Non, j'ai pas. Ah non, pas du tout. Ça fait BD un peu, non? Ouais, c'est ça. Il y a un côté cartoonesque. C'est trop intellectuel. Un chouïa. Non, mais non. Mais au contraire, là, je trouvais que c'était pas très intellectuel. Autant qu'on se dise, je trouvais ça un peu mou. J'étais passé totalement à côté. Non, mais j'ai trouvé ce film. Franchement, pour moi, c'est facile, quoi. C'est un film facile. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Pas le film en lui-même, mais le style. C'est un style qui est déjà vu. C'est le style très 2018 en mode je fais un cinéma français nouveau. Bon, ok. Le casting est génial. Ça, je te l'accorde. L'image est super belle. La réalisation, il y a du travail, c'est génial. Le scénario, il y a des moments où j'étais surpris. Pour un film français, c'était exceptionnel. Dans la globalité du film, j'ai fait bon, bah, ça, tout ça pour ça. Quoi. J'étais pas dedans. Voilà, c'est l'impression que j'ai eue en voyant le bande-annonce. Je me suis dit, il doit vraiment servir à rien ce film en fait. Mais après, j'ai quand même envie de le voir, j'irai le voir, mais. Ces films, non? Ça m'a pas accroché. Non, j'ai bien aimé. Après, je pense que c'est subjectif. Faut pas s'attendre à un film avec un message moral hyper fort. C'est vraiment. Tu rigoles, je passe un bon moment. Ah oui, tu rigoles. Non, mais c'est vraiment un film de gangster, mais complètement avec des codes de la banlieue. Non, mais ouais, c'est ça. Ça marche, franchement, il marche nickel pour moi. Après, moi, je l'ai bien aimé parce qu'en fait, je savais pas du tout c'était quoi. Le film, en fait, il n'y a pas encore de bonne annonce, pas encore d'affiche. Je l'ai vu, en fait, bien avant. En fait, des fois, ils font c'est même avant des avant-premières, c'est des films, il faut regarder par certains spectateurs. Surtout ceux qui ont la carte UGC. C'est des séances privées pour noter ce qu'il mérite d'avoir le label UGC. Du coup, je l'ai vu comme ça et je savais pas du tout c'était quoi. C'est un film mystère, en fait. Test projection. Voilà, c'est ça. Et en fait, j'étais bien surpris. Enfin, je suis arrivé. Moi, j'ai bien aimé. Et ça. Peut-être aussi, il y a des choix où j'ai vraiment pas aimé. Je pense que le côté aussi banlieusard, à un moment donné, j'en pouvais plus. J'étais. Vraiment, c'était trop. Et il y avait des très bonnes idées qui n'étaient pas assez utilisées. Vincent Cassel, pas assez utilisé. Et aussi le gang des gangsters qui tuent les gangsters, entre guillemets. Oui, les Renois. Et ça, je trouvais que c'est une super idée, mais on ne l'utilise pas vraiment. Et puis il y a aussi les deux. Alors, ça, j'en pouvais plus, le tic et tac, là. Les deux jeunes. Ah non, moi, justement, ils m'ont fait. Ah, j'en pouvais plus. Mais justement, c'est pour montrer les différentes traces. C'est ça qui est intéressant. Mais. J'étais en rejet, je pense que j'étais en rejet, c'est tout. Les tic et tac, comme tu dis, moi j'en connais plein, on est comme ça, vers chez moi. Mais c'est pour ça qu'il y avait quand même un côté réaliste dans les personnages, mais sinon j'ai pas accroché, j'ai pas. Je pense que c'est personnel aussi. Après, c'est super difficile. Moi, les tic et tac, j'ai reconnu plein de gens. Il y a pas Big Flo et Oli dedans. Il y a pas Big Flo et Oli, je crois pas. Non, pourquoi? Non, là par contre, je suis sorti de la salle. Ah ouais, je viens de te dire qu'il était bien. Non, parce que je crois qu'il y a un film avec un j'aime bien Big Flo et Oli, y'a un souci. Bah non, mais écoute, ça veut dire gratos. Regarde ses bras. C'est pas grave. Non, mais parce que je crois qu'il y en a un des deux qui va être dans un film. Ils sont dans Alad 2, les deux. Ah, bah par contre, là, c'est dans leur clip. Oh non, je veux pas le voir par contre. Ah, c'est ça, ouais. On peut rien faire là. Je veux j'ai envie de faire l'expérience de ce film. Ah, parce qu'il y aura une suite. Non, ne parlez pas de ça. On ira. Ça n'existe pas. On ira. Ah, tu me le mets même pas. Tu me le mets en film, allez voir, je veux pas le voir. Je veux pas le voir, j'ai la carte. J'irai le voir juste pour faire l'expérience. Mais c'est bien, c'est H au cinéma, ça va être bien. Ah, ça sera. T'as 2 heures et pas. H avec Kev Adams. Non, tu vois Kev Adams. Mais tu vois, le film il divise dans le sens où. Mais je pense que ça dépend aussi si on est si on a de l'affinité aussi avec les personnages. Mm. Et certains, j'ai eu un rejet, je pense que ça joue aussi. Mm. Comme la fille qui jouait dans Divine. Tu t'es pas identifié. Même le personnage principal, je me suis pas identifié non plus. Après. Le mec qui veut vendre. C'est quoi déjà Mister Freeze. Mister Freeze. La franchise. C'est marrant Freeze une Maroc. Fois, mais après on a compris la vanne. Après, bon, je suis plutôt d'accord. Je sais pas. C'est en fait, c'est de la folie organisée, c'est de la belle folie. Mais pour en faire un film, j'ai trouvé que c'était une bonne idée, mais pas assez bien étiré, pas assez bien. Je sais pas, il y a des bons choix, il y a des mauvais choix. Mais après, c'est perso. Moi, je prends l'expression que t'as pris tout à l'heure, franchement. C'est un point destructif. C'est un film qui passe. C'est un film qui passe. Ah oui, alors ça, c'est un film qui passe. Voilà. Non, bah attends. Et puis la fin, même, sans déconner, tout ça pour une fin, pareil. J'étais un peu. Non, mais justement, moi je trouve que c'est ça qui est bien. C'est que c'est pour ça que je disais que qualitatif, l'anti Scarface, ça lui allait bien. Parce que c'est. On peut pas comparer ça à Scarface quand même. Mais non, mais. Laisse-moi finir. C'est quand même beaucoup mieux. Parce qu'il y a ce truc où en fait. Le mec, il veut juste avoir une vie normale, en fait. Il veut pas avoir des bitches et des kilos de coke. Il veut vraiment juste avoir sa vie normale. Plus et c'est juste, en fait... Voilà, et c'est le truc de dire, genre, bah voilà, mais c'est aussi ça, la vie des banlieues. C'est ce truc où, toi, t'essayes d'avoir une vie normale. Et en fait, c'est tellement... Tout est tellement fucked up autour de toi que t'es obligé d'en arriver à des trucs à la con pour avoir juste la vie de n'importe quelle personne. Bah, quoi. C'est du déterminisme social, ça s'appelle. De genre que tu finiras toujours racaille, même, enfin peu importe ton environnement, quoi. Enfin, si, justement. Ouais, ton environnement détermine qui tu seras qui plus tu tard. Seras. Quoi. Après, dernière chose aussi, un peu pour défendre mon avis, mais je trouve le film est trop stylisé. Quand je dis trop, c'est-à-dire que c'est tous les petits clichés des films d'auteur un peu français. Fait des caisses. Ouais, c'est-à-dire qu'on va parler de la banlieue, mais on va mettre des musiques de Daniel Balavoine, on va mettre des musiques de variété française pour pour trouver un équilibre. Et puis je suis sûr que le mec est fan en fait de variété française, donc il met cette musique là parce qu'il aime ça et qu'il aime aussi cet univers là donc il fait le mélange. En fait, il mélange vraiment toutes les cultures. Mais il y a un côté aussi un peu cliché du film d'auteur, mais en mode je vais faire quelque chose stylisé de nouveau avec de la pop. C'est un film pour moi pop. Mais ah, trop sûrement, pop. Bien sûr. Mais pop le dans truc. Tout. Le la truc, lumière est pop, il y a tout qui brille. Mais après, quand c'est couleurs, à ce point-là assumé, c'est t'accroches L'Espagne. Ou t'accroches pas. Ouais. Tu sais, c'est pas. Puis, c'est trop pop. Le truc de ça Daniel pas, Balavoine et tout ça, c'est que c'est ce que je te disais sur les différentes strates de génération. C'est qu'aussi, c'est un film avec une réale très actuelle, mais bah ouais, forcément, bah, parfois on va te mettre un petit Balavoine histoire de te faire plaisir. Sur, Et puis même les looks, en fait, c'est old school, c'est fait exprès. Même les non, looks, mais des personnages. Mais côté mélange, c'est marrant. Enfin. Bah moi je trouve après, que ça fonctionne pas, complètement. Ouais. C'est la mythologie française. C'est de toute façon, quand c'est décalé, c'est soit t'aimes, soit t'aimes pas. Il n'y a pas tellement. Je trouve que c'est les looks. Enfin, c'est. Entre deux, quoi. C'est des vrais looks. Fin... Bah ouais, pour moi c'était des looks banlieusards. Quoi. J'ai vu leur look, ça m'a pas choqué. Pour moi c'est ce que non, je non, vois. Non, les mecs bien, en TN, après, des... enfin tu vois. J'habite dans 9-4 quand même, toi. Créteil. Je peux te dire, je les vois les mecs comme on ça. On va faire une toute petite pause. Ah. On va s'écouter Cyndi Lauper, Time After Time. Et puis Sting aussi en passant. Et puis on revient tout de suite. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Night in my bed, hear the clock. to gaze a while upon the fields of barley. Et nous revoilà dans l'émission après la belle chanson de Sting. On va parler de Black and Span la semaine prochaine, mais je voulais qu'on teste un petit peu le débat que je voulais intégrer dans cette émission, le débat par rapport aux acteurs. Donc là, j'ai pris un acteur pas trop dans l'actu. La semaine prochaine sera plutôt un acteur dans l'actu par rapport à un film qui est sorti. J'ai choisi pour la semaine prochaine Edouard Baer. Ah, voilà. Oui. Puisqu'il joue. Merci Sofiane de ce souffle qui exprime toute ta compassion pour cet acteur. Et parce qu'il est actuellement dans Mademoiselle de Jonquière, si je me trompe pas, c'est bien le titre. Je crois que c'est un truc comme ça. La nuit. Oui, ouvert la nuit. Paris la nuit. Pardon, Paris la nuit. Très beau. Non, ouvert la nuit. Ouvert la nuit. En radio aussi, c'est trop bien. Oui, bah maintenant il est chez France Inter. Il est France Inter le dimanche. Non, il a déménagé. On va parler de Colin Farrell. Je voulais savoir, est-ce que vous aimez Colin Farrell? Est-ce qu'il y a des films qui vous ont marqué avec cet acteur? Est-ce que vous trouvez qu'il a changé? Parce qu'il a quand même commencé dans le carcan hollywoodien et puis maintenant il est plus dans le carcan film d'auteur, film de Sundance. C'est vrai qu'il a changé. Et est-ce qu'il peut pas se calmer les deux là? C'est pas possible. Ils ont toujours marre de rire. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi il y a un fou rire ou pas? Non, on disait que il était comme disent les jeunes, TTBM. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il veut dire. Ils sauront, les auditeurs, d'accord, t'inquiète. Il n'y a pas de souci. S'ils écoutent ce qu'elle paye, ils savent. Il n'y a pas de souci. Colin Farrell, donc, s'il y a un film que vous aimez ou il y a un film que vous n'avez pas trop aimé, vous avez trouvé que c'était pas terrible. Bah, y en a beaucoup. Même l'homme en lui-même, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inspire? Est-ce que cet acteur, quand il est sur l'affiche, est-ce que vous vous dites tiens, j'ai envie de le voir? Ou alors, vous êtes un petit peu en mode je m'en fiche un petit peu. C'est pas pour lui que j'irai voir le film, mais il a fait. Mais qu'est-ce qui t'inspire, moi? Parce que personnellement, moi, par exemple, il y a un grand film qui s'appelle The Lobster. C'est un grand mot, mais c'est un très bon film. J'étais surpris. Là, il a pris un chemin. Film d'auteur, film Sundance, film. Je crois pas qu'il a jamais bifurqué du film d'auteur. Il a eu la ne cherche pas, toute l'équipe est contre toi. j'attends que ça s'arrête de parler. Moi, je suis pas du tout contre c'est, lui. C'est faux, c'est pas un gars. Il a jamais été connoté quoi que ce soit. Un truc qu'il faut savoir sur Colin Farrell. Creuse, on peut le dire. Non. Non. Un chouïa quand même. En France, moi je parle en France, on pose aux États-Unis peut-être. En France, on va pas jouer dans la 2. Mais non, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on le voyait plus trop dans les. Moi, je l'ai toujours vu. 2007. Non. Ça fait quand même comment tuer son boss. C'est rôle dans les gros. Il est mais voilà, c'est pas la héros. Merci d'avoir. C'est vrai qu'il était bon dedans. Non, comment c'est un gars qui sait tout faire. Là, tu dis le mec, il est parti. Peut-être le film, non, mais le film. Non, pour le coup, là, je suis en train de voir sa film. Il est hyper varié. Il a trop baisé de bruit. Non, non, il a tout fait. Il y a des films d'auteur, des gros films. Alors, Jérémy, sache que mon film préféré. Et avec Colin Farrell. Il y a Colin Farrell. C'est quel? C'est Crazy Heart. un film de 2009. Jeff Bridges, non ? Qui est le meilleur film de tous les temps. Jeff Bridges, l'acteur principal, il a eu l'Oscar pour Crazy Heart. Et en fait, ça parle d'un chanteur fictif qui est joué par Jeff Bridges, qui se fait voler la vedette un peu par un nouveau chanteur de country. Colin Farrell. Et Colin Farrell, qui est dedans, n'est pas dans le... C'est pas du tout le prestige version country. C'est, on se connaît, on a la même passion. Bah vas-y, viens chanter avec moi quelques sons, et moi je t'écrirai des chansons. Mm-hmm. En fait, la vraie vie de vrais gens du country, artistes, de vrais artistes, voilà. Ouais. Et Colin Farrell... Sans les complications noaliennes. Ouais. Voilà, exactement. Et la BO de Crazy Heart. Et dingue. Alors, faut savoir qu'il y a eu 3 Oscars dans ce film. Il y a eu l'Oscar du meilleur film. Mais personne n'est au courant. Non, mais c'est l'Oscar du meilleur acteur et l'Oscar de la meilleure musique originale. On fait un sondage en France. Il n'y a pas une parodie avec John C. Reilly ? C'est possible, je sais pas. En tout cas, Ryan Cooper, qui est un réalisateur de grand talent, enfin, moi, c'est mon réalisateur préféré. Il a fait que des tueries. C'est simple, la dernière, c'est Hostiles, c'était en début d'année. Avec Christian Bale, voilà. Un western. Un western apocalyptique, en fait. Enfin, tu vois, pas apocalyptique, je veux dire crépusculaire, on va dire. Avec, c'est toujours début de nuit, début de matinée, et des coups de fusils de chasse qui retentissent dans la pampa du Nouveau-Mexique. Mm-hmm. Que des ambiances calfeutrées comme ça de Ryan Cooper, et Colin Farrell a réussi à s'intégrer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Colin Farrell, il est irlandais. Ouais, il est. Mm-hmm. Il est pas anglais. Donc, il prend un accent américain quand il joue, quoi. Et ouais. Et le gars sait faire tous les accents maintenant, en fait. Et c'est un multicasquette. Donc tout à l'heure, d'ailleurs, disait que il a tout fait. Bah ouais. Comédie, film fantastique, film pour enfants, film indé, film thriller policier. Thriller policier, SF. Ça c'est un bon acteur déjà quand t'arrives pas à que pouvoir, policier enfin Fun Games pas vraiment policier j'ai bien aimé ce film il a vraiment tout c'est aussi faut savoir aussi qu'il a enfin série Trou Détective saison 2 les gens critiquent beaucoup cette saison mais elle est pour moi très bonne, très bien. Et Colin Farrell joue beaucoup dans le fait que la saison est super bien quoi. Et je pense que, pour citer mon frère, ce que je lui ai demandé justement, parce qu'il adore cet acteur, et je lui ai dit, t'as un truc à dire, et il m'a dit, que les gens regardent la première scène du premier épisode de True Detective, la première scène où on voit Colin Farrell, ça résume tout son jeu. D'accord. Donc voilà, si vous avez besoin. Okay. Merci du conseil. Mais c'est marrant parce que quand j'ai vu sa filmographie, je me suis rappelé, je dis waouh, j'ai vu beaucoup de films avec lui, on s'en rend pas compte. Mmh. Tu sais, c'est le genre d'acteur où il est un peu discret quand même, parce que c'est pas l'acteur de Blink. C'est quand t'as Brad Pitt, au courant qu'il y a Brad Pitt dans le film. De temps en temps, il y a Colin Farrell en mode hop, Minority Report, hop. Je pense que Miami Vice, qu'il était dedans, Miami Vice, même si c'est un très très bon film, a fait beaucoup de mal à sa carrière parce que c'était un flop total et c'est tombé aussi pendant sa cure de désintox. Et donc du coup. C'était pas la même époque qu'aujourd'hui où ça, maintenant les cures de désintox c'est un peu comme aller chez le médecin. Il a eu un petit problème avec l'alcool ou la drogue ? Les deux. Pour quelle raison ? Est-ce que tu sais ou c'est un côté ? Je pense que c'est un gars qui a beaucoup vadrouillé, Colin Farrell. C'est un gars qui est parti très jeune, vers 16-17 ans, en Australie, à l'aventure avec ses cousins. Il est revenu, il a fait des cours de théâtre. Après, il faisait des petits boulots à Dublin. Un gars vraiment qui a virevolté à droite à gauche jusqu'à temps qu'il a fait quelques films un peu avant. Son premier gros film, c'est Minority Report. Mm-hmm. Et un film de c'est Spielberg. Et dedans il a un gros rôle intéressant, tout le monde l'a vu ou pas? Moi perso oui, c'est le méchant, faux méchant en fait, qui se fait niquer au final. Alors spoil pas non plus. C'est un bouquin en plus. Et donc il s'est tout de suite mis dans on lui a demandé de faire des rôles qui ne sont pas forcément des rôles qu'on donne à un premier gars, un premier jet, tu vois, dans le cinéma. Et je trouve qu'à la suite de ça, souvent quand on fait ça, soit ça passe, soit ça casse. Souvent ça casse. Colin Farrell s'est passé. Et après, il a rempilé pour d'autres. Parfois pour le meilleur, parfois pour le pire. Notamment pour le pire, je dirais Total Recall pour moi. Ouais. Et le remake. Daredevil aussi. Il est pas mauvais dans Daredevil. C'est pas lui. C'était un peu ridicule, peut-être, le personnage. Comment il était présenté. Bullseye, là, ouais. Moi, je ne m'a pas dérangé. C'est pas ça qui m'a dérangé. Moi, je trouve qu'il est jouissif parce qu'il tue n'importe qui en fait. De manière drôle. La petite vieille dans l'avion. Après, c'est ridicule. C'est vrai que c'est grotesque. Mais il y a eu un film que personne n'a vu avec Colin Farrell et que j'ai vu une matinée embrumée chez moi et tout. Je me suis dit, vas-y, je vais mettre un film dans la gueule. Ondine, qui est un film irlandais. avec parfois des phrases, des lignes de dialogue en gaélique. D'accord. Et Colin Farrell le parle fluent, évidemment. Film très discret, parce que film très discret avec Colin Farrell tout seul. Et, je l'ai vu en Blu-ray, DVD. En DVD, pas en Blu-ray. Au cinéma, je suis pas sûr. Non, il n'est pas sorti au cinéma. Et c'est un film indé irlandais qui me rappelle un peu ce film Le cheval qui vient de la mer. Un film irlandais aussi avec. Qui a beaucoup fait parler de lui, qui a notamment fait parler de lui parce que c'était un très bon film pour tout ce qui est l'éducation nationale en anglais. Tout le monde l'a vu en anglais ce film. Enfin, je sais pas à Paris, mais moi j'étais en Picardie. Dans ma classe, tout le monde a adoré. Et tout, c'est un film très poétique sur l'histoire d'un cheval qu'on sait pas d'où il vient et deux filles qui s'attachent à lui et leur père qui les aide au final à le ramener à la mer parce que dans les croyances populaires irlandaises. Les chevaux viennent de la mer parce que la mer, voilà, c'est aussi le symbole de Poséidon, la mer. Hein, mythologique, quoi. Il y a un aspect mythique, voilà. Même dans ce film-là, Ondine, ça. Et même dans ce film-là, Ondine, où justement, c'est l'histoire d'un pêcheur qui joue un pêcheur un peu, voilà, désabusé, alcoolique. Il joue beaucoup ces rôles-là. Ouais. Qui a perdu sa femme des années plus tôt et qui un jour un pêcheur donc dans le nord de l'Irlande un Giant's Causeway, là, tu sais, la chaussée des géants, donc des paysages magnifiques, tout ça. Et il récupère un jour dans ses filets une femme et il en vient à se demander mais ce serait peut-être une sirène ou pas, on sait pas. Et il y a un gros message politique qui est encore d'actualité d'ailleurs dans ce film, que je trouve magnifique. Et après, justement, il a baillé cette actrice et il lui a fait un gosse. Donc, bien vrai, je Colin. C'était celle avec sa sextape. Je sais pas. Il a une sextape. C'était une chez l'actrice. C'est fou, on en apprend des choses ici. Il y a un lien ou pas? C'est de là. C'est là que tout commence. C'est mon film préféré, personnellement. Moi, le premier film qui m'a marqué. Il y a de quoi. Tu l'as vu? Tu l'as vu? Bah, bien sûr. Moi, qui ne l'a pas vu? Le mec. Au moins, il est honnête. Ouais. Le premier film qui m'a marqué avec lui, c'était Tigerland, qui est un film. Je crois que c'est le premier film avec de Joel Schumacher. Schumacher, je sais pas si on doit dire comme ça. Qui est un film en fait qui parle de la guerre du Vietnam, mais pas vraiment parce qu'on parle des soldats qui s'entraînent dans un camp spécial où on est dans une mise en situation comme si on était au Vietnam, donc c'est les camps d'entraînement. Et dans ce camp d'entraînement, lui joue le personnage principal qui est rebelle, qui va foutre le bordel, il veut tout faire pour partir et se faire virer. Et au final, en fait, il y a une progression dans ce film et j'ai trouvé une performance incroyable, réalisation superbe, mais surtout lui, parce que c'est lui qui porte le film sur ses épaules, même s'il a des camarades, et je l'ai trouvé super brillant. Et en enchaînant avec un autre film où c'est très hollywoodien, mais il fait une performance encore une fois géniale, surtout au niveau de la diction, au niveau du stress, c'est très théâtral, Fun Game aussi, du même réalisateur, où je l'ai trouvé ça très théâtral, on pourrait même le mettre en scène au théâtre, et c'est génial ici, voilà, c'est jouissif, c'est un film, c'est divertissant et c'est artistique aussi. Ah, moi, c'est mon préféré, Colin Farrell, si je devais choisir. Il est super. Après, il y a les films chelous aussi, où il y a Seven Psychopaths, qui est un film très space qui est très artistique, dans le sens où on est très dans le. Voilà, on entre dans la construction d'un scénario à travers. Un scénariste qui essaye d'écrire une histoire, mais on ne sait pas si ces histoires sont des vraies histoires dans le film. Et puis après, il y a un côté aussi, on parle du film dans le film. Donc c'est un film assez compliqué où il y a plein de ficelles qui s'entremêlent. Je ne sais pas si j'ai bien aimé ou si j'ai pas aimé en fait. Bah en fait, il y a pas tout à comprendre en fait. Il y a la moitié à comprendre et la moitié à se laisser aller. Et puis on prend le film aussi parce qu'il est très jouissif aussi. Il y a des scènes d'action et il y a Sam Rockwell. Donc dès qu'il y a Sam Rockwell, je suis très content. Et surtout Woody Harrelson. Et surtout Woody Harrelson. Aussi, mais je suis un peu moins fan, je t'avoue. Mais après, il est le meilleur acteur de la Terre. Il a aussi joué dans un super bon film qui s'appelle Bon Baiser de Bruges. Il a eu un truc, une récompense pour ça. Ouais. Mais c'est un super bon film qui a été marketé en France comme une comédie, alors que c'était pas du tout une comédie. C'est quoi l'histoire de ce film alors? Parce que moi, c'est sur deux mecs qui se retrouvent à Bruges parce qu'ils ont fait un coup, ou c'est quoi? C'est genre, je sais plus, c'est un braquage. Ils ont fait un braquage et ils doivent lay low pendant un temps. Et donc du coup, ils se retrouvent à Bruges. Et en fait, Bruges, c'est une ville à se tirer une balle. C'est chiant comme la pluie. C'est un film sur l'ennui aussi. C'est sur l'ennui en fait. Ouais, c'est sur deux mecs qui s'ennuient. Sur Bruges. Et c'est extraordinairement bien. Tu penses que les mecs de Bruges, c'est une pub pour notre ville en fait, non? Et en fait, c'est deux mecs qui sont complètement à l'opposé l'un de l'autre, quoi. Et j'adore ce film. Mais c'est le même réalisateur que Seven Psychopaths et aussi de Three Billboards, le film oscarisé cette année. Celui-là. Le même réalisateur. Ismaïl, tiens, on n'a pas trop entendu. Moi, Colin Farrell. C'était quoi la première fois, le premier film peut-être, si tu te rappelles? Ou celui qui t'a marqué? Je crois que c'est Alexandre. Je me disais, ça se voit qu'il est pas blond. Ah, oui. Ça se voit qu'il est, pas blond, et c'est bizarre qu'Angelina Jolie soit sa mère alors qu'il est pas le même âge. Ça, c'est un détail. Ouais. Mais moi, ce qui m'a, je crois, la première Oliver fois. Oliver Stone en plus, c'était surprenant. Ouais, moi, j'étais surpris. Et la première fois où j'ai vu Colin Farrell et qui m'a beaucoup plu en tant qu'acteur, ouais. Etc., c'était pour un épisode de Scrubs. Il a fait très peu d'apparitions dans des séries, quelques fois, mais il est apparu dans, je crois, deux épisodes de Scrubs, une série comique des années 2000, que je vous conseille. Voilà, une sitcom très sympa. C'est cool. Et oui, il avait un rôle. Il jouait un rôle d'un Irlandais dedans. C'était juste comique, quoi. Mais ça avait la petite touche qu'a certains épisodes Scrubs où il y a des apparences un peu simples de prime abord, et puis il y a un twist qui rend le personnage infiniment plus profond et intéressant. C'était le même cas avec un autre acteur, comment il s'appelle déjà, celui qui jouait dans La Momie. Adam Fraser, qui d'ailleurs revient un petit peu en ce moment. D'ailleurs, il va jouer dans une série d'ici. C'est un détail. C'est pas une bonne nouvelle ça pour lui. Non, mais en fait, il fait juste le doublage, donc ça va. Ah. Voilà. Donc, en fait, Colin Farrell, j'ai pas énormément d'attache avec cet acteur, mais je sais que voilà, il fait quelques petites apparitions de temps à autre. Et ces dernières années, effectivement, il fait des petites tentatives comme le Lobster. Moi, ça me surprendrait pas de le voir de plus en plus dans ce genre de registre. Et là, je regarde sa filmo, il y avait aussi Prémonition, un petit film très avec sympa. Avec Anthony Hopkins, je crois. Très sympa, j'étais même très surpris. Je suis allé le voir, d'une dobrie sans nom. Ah non, c'est génial. Les 10 premières minutes, mais non, les 10 premières minutes, ça fait dobe. La fin est dobe. Mais comment tu t'es pas intégré dans le film? Je crois que j'avais bien aimé, mais vu le son. Voilà, vas-y, rentre chez toi. Non, c'est génial. Mais non, on est vraiment dans des gens. Respect. Toi. Mais non, je te jure, moi, vraiment, je m'en souviens plus. Ils étaient pas partis gagnants avec moi. Et puis au final, ça m'a attrapé. J'ai trouvé ça génial. Là, il y a une performance. Génial, carrément. Mais c'est pas une grande réalisation. C'est vraiment génial. C'est vrai. Mais je trouve que le film il fonctionne. Sur moi, j'ai accroché. Mais je pense aussi que c'est le concept qui m'a beaucoup plu. Après, peut-être que c'est pas une grande réalisation, certes. C'est vrai, c'est un film à concept. Non, mais il y a des images quand même assez fortes. Il y a un scénario qui fonctionne. Moi, après, je crois que j'avais bien aimé. Oui, dis-moi. Mais vu que je m'en souviens pas, c'est que ça c'est quand même pas bizarre, marqué c'est plus que ça. Je pense que j'ai bien aimé sur le coup, mais que c'est pas un film qui m'a marqué plus que ça. Mais il faut dire que dans Miami Vice, il est particulièrement stylé aussi. Ouais. Sonny Crockett, il y avait que lui pour reprendre le rôle. Hein. Le moustache était. Je comprends pas. La moustache était intestable. C'est vrai qu'au niveau des films qu'il a eu. Moi, je le mets dans le registre des acteurs qui a eu au moins une bonne trentaine de looks différents, et la plupart ne lui vont pas spécialement bien, malheureusement. Ça, c'est incroyable. Il se change beaucoup physiquement pour la plupart des j'ai été déçu du traitement qu'il a eu dans Les Animaux Fantastiques. Ah bah merci Gauthier. J'ai oublié qu'il était dedans. Déjà, on me demandait que c'était un peu son grand retour dans le cinéma fantastique, tout ça. En plus, il joue le grand méchant. Il joue le méchant. Et à la fin, en fait, on découvre que c'est pas lui en fait. Ouais, en fait, Johnny Depp qui déguise en Colin Farrell. Voilà. J'avais totalement oublié. J'ai pas respecté là. Non, mais j'avais aimé. Surtout que dans le métro, il te mettait l'affiche de Colin Farrell avec la gomina et tout méchant. Et tu dis, waouh, il va tuer. Mais en fait, non. Tu vois, le film c'était peut-être pas mal, mais il fait rien. C'est vrai que c'est chaud. C'est bien d'avoir tout le nom en fait. Ouais, il fait rien pour le film. Grindelwald, il s'appelle. Non, mais c'est censé. Enfin, dans les livres, c'est un personnage putain d'important. Grindelwald, c'est. J'aimais bien méchant. Avait une présence dans le film et c'est dommage que ce soit pas lui. Moi perso j'aurais préféré que ça reste Colin Farrell que Johnny Depp. Ouais, Johnny Depp. C'est pas que j'aime pas Johnny Depp, mais moi il y a mon film préféré avec lui, c'est Le Nouveau Monde de Terrence Malick. Je reparle de Terrence Malick. Le Nouveau Monde, merci. Qui est un peu Pocahontas en fait. Non, c'est pas un peu, c'est que. Bah c'est pour ça. Ouais, mais parce qu'on le dit pas en fait, c'est ça qui est intéressant dans le film. Il y a aucun moment où il y a le mot Pocahontas. Parce qu'en fait, même dans le. Pour moi c'était dans la mythologie. Parce que je sais même Pocahontas, c'est un nom qu'ils lui ont donné pour le LOL. C'est une histoire vraie qui. Non, c'est une histoire vraie, Pocahontas. C'est une histoire vraie. Mais je crois que même le nom, c'est le nom donné. C'est l'arrivante qui lui donne ce nom-là. Ouais, parce que, on est d'accord. C'est pour ça qu'il n'y a pas dans le film ce nom-là. Mais c'est un film magnifique, d'une beauté, sur l'amour. Incroyable. Et c'est qui réalise? C'est Terrence Malick. Ah, bah voilà. Mais je crois que c'est le meilleur film de ce mec, de Terrence Malick, qui là pour moi. C'est là où il est super, ce réalisateur, c'est qu'il va utiliser tous les acteurs. Il va utiliser Colin Farrell, Christian Bale et l'actrice, dont je ne connais pas le nom. Koryanka Kilcher, elle s'appelle. Merci beaucoup, Sofiane. Elle joue dans Hostiles aussi de Ryan Cooper. Eh ben non, mais elle est superbe et le film est fabuleux. Et c'est un gros film. Et le film dure, genre, il dure 2h30 et t'as l'impression qu'il dure 1h30. Moi, c'est pas après, c'est un Terrence Malick. Donc, moi, je l'ai vu quand j'étais gamin. Alors, c'était peut-être ça. Il y a des images, des fois, tu te dis, c'est quoi gamin. C'est de la poésie visuelle. Et c'est de la vraie poésie visuelle. C'est très bien. C'est mon coup de cœur, vraiment, de Colin Farrell. Après, il y a des What the Fuck. Ok. Dans le What the Fuck, on a. Non, ah oui, SWAT avec SWAT. Alors on a SWAT, allez, on a SWAT. C'est moi SWAT. Qui l'a vu ? Non, sans déconner. Ah, bah, je l'ai vu. Je me rappelle surtout du plot où c'est le mec qui fait ouais, je donnerais 20 millions de dollars. Avec mes frères, on rigolait là-dessus. Je donnerais 20 millions de dollars à celui qui me libère. Et genre, c'est, après, t'as tous les vieux gangsters. Et... c'est un film qui passe tous les mardis soirs avec sur TF1. C'est un film multi-diffusé. On a aussi Fright Night, qui est toujours un remake. Moi j'ai adoré ce tuerie. Fright Night, qui est un film d'horreur. C'est l'histoire d'un gosse qui a un nouveau voisin. Et en fait, il doute au début, il se demande si c'est pas un vampire parce qu'il sort jamais le jour et il a un regard un peu bizarre. Et au final, il drague sa mère. Et donc il pète un plomb, donc il enquête sur lui et il se rend compte qu'au final c'est un vampire. Grosse interprétation de David Tennant en exorciste mytho de Las Vegas, mais qui s'avère au final être un vrai exorciste parce que la conjecture fait que voilà. Un film fun, je ne savais pas qu'il y avait David Tennant. Vraiment très fun avec un remix de 99 Problems en version rock et que j'ai adoré, qui est mieux que la version de Jay-Z. Dans le deuxième What the Fuck, il y a Un amour d'hiver. Le film de Noël. Personne ne l'a vu. Ah, je dis des trucs là. Et voilà. Donc c'est Colin Farrell avec une écharpe qui fait le lover. Non, avec une coupe comme ça. Je te jure. Sérieux ? Oui, je te montrerai tout à l'heure. Il a une coupe un peu à la curée. Comme un bol, ouais, c'est ça. C'est très. Voilà. On a Daredevil aussi. On l'avait tous les deux. Bah, bien sûr. Ouais, mais alors, tu vois, Daredevil, moi j'ai Daredevil aussi. Ça a été flop. Mais c'est le rôle qui est un peu what the fuck. Bah, non, justement. Tous les personnages, je pense que c'était le mieux réussi. Je pense que c'était le mieux réussi. Mais j'ai adoré Ben Affleck dans ce film. Moi, je suis désolé. Non, mais Ben Affleck, peut-être. Ce film est pas mauvais. Après, le film. Par rapport à l'époque. Mais non, mais par rapport à l'époque. Non, mais c'est. Les AMV. Merci. Non, mais je suis d'accord avec toi, Jérémy. Moi, je suis. Là, pour l'époque, quand il est bien. Après, c'est comme Blade. Gosse, quand tu revois Blade, tu rigoles. Non, même époque, t'avais X-Men 2, t'avais Spider-Man 2. Blade non, c'est pareil. Sauf le 3. Moi, je vous trouve dur. Le 1 et le 2. Oui, je suis dur. Alors, je cherche le film. Alors, moi, Alexandre, je le mets dans le What the Fuck. Parce que je l'ai pas vu et j'aimerais bien le voir. Apparemment, la Director's Cut est vraiment bien d'Alexandre. D'Oliver Stone. Non, sur Netflix, c'est la Director's Cut. Alexandre, si. Bah, je sais pas, c'est la version giga longue là. J'ai passé l'après-midi. Je jamais sur Netflix les versions. Si, voilà. Je crois que c'est chez la direction. Si, Vium, check. Ah ouais. Mais bon, après, il y a un film aussi que j'ai beaucoup aimé aussi. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, L'Imaginarium du Docteur. Ouais, si, ce film était pas mal. Il y a pas un truc à faire dedans. Ou le concept était pas mal. Heath Ledger qui était malheureusement. Heath Ledger et c'est son dernier film. Il a fait aussi la mort du cerf sacré. La mise à mort du cerf sacré. La mise à mort du cerf sacré que je n'ai pas vu qui doit être très bien. Qui était très bien aussi, gangster. Il était bien, les pros. Ah, il est gang de malade, c'est un super de malade, trop bien. Et c'est en huis clos. Ouais, c'est vraiment très bien. Voilà, donc je crois qu'on a un peu parlé quand même de ce film quand même qui est plutôt pas mal. Oui, c'est hyper. Après, des films, je crois qu'il doit avoir des petits rôles dans L'ombre de Marie, la promesse de Walt Disney sur Walt Disney. C'est marrant parce qu'au milieu de rien, il est pas parti dans des rôles un peu, tu sais, à la Matthew McConaughey, dans les rôles de comédie romantique ou les trucs comme ça. Bah, il en a eu une ou deux peut-être. Je sais pas, j'ai regardé dans sa filmographie, j'en ai pas vu, tu vois. Ouais. Mais je crois qu'il y en a. Il y en a pas. Qu'il a joué des patrons en plus aussi dans Qui veut tuer mon boss. Il est aussi super par rapport à la performance dans Le rêve de Cassandre de Woody Allen avec Evan McGregor, les deux frères, si je me trompe pas, ou les deux potes, je vérifie, qui achètent un bateau. Et qui ont un problème d'argent, et puis ils vont aller demander à l'oncle. Et l'oncle, il a un problème avec quelqu'un, il faut le tuer. Ils vont devoir tuer l'ennemi de leur oncle. C'est quelle année avant ou après Matchpoint? Ouais, c'est quelle année? Alors, je crois que c'est avant. C'est 2007. Et Matchpoint, ça va être 2017. C'est un milestone dans la carrière de Woody Allen. On doit être dans le. 2007, c'est l'ombre du coup, on a des infos sur Dumbo. Ah, vite. Et bah, Dumbo, c'est de Tim Burton. Le film est déjà fait. Moi, j'ai déjà fait. C'est vrai, Tim Burton. En 20 ans, Tim Burton, tu vois, Tim Burton, t'es passé de Ah, j'ai envie de le voir. Ouais, ça a tout changé maintenant. Attention, tout le monde parle en même temps. Oui, Tim Burton. Tim Burton, maintenant, moi, mon silence squash, ils sont en train de dire ça aussi, je crois. Maintenant, ça nous fait peur. Ah, ouais, c'est vrai. Alors, je suis pas d'accord. Franchement, je suis pas d'accord. Big Eyes, parce que le clivage, c'est Big Eyes. J'ai adoré Big Eyes. Encore, mais pour aller se péter. Tim Burton, c'est fini. Ce truc qui j'adore, mais les derniers, je peux pas. Mister ah ouais, Green, moi, c'est non plus. La Tim Burton, c'est commercial à fond. Moi, Mystery Green, c'est commercial. C'est plus Tim Burton, genre. Ah non. Moi, je ah, Mystery Green, c'est devenu commercial. Mettre ce petit truc qui rend culte son film. Non, mais tu regardes tous ses premiers films. Tu regardes, comment ça s'appelle, Beetlejuice, Edouard Manque d'Argent. Le premier film, c'est Jackie Brown. Oui, non, mais tout. Je crois que c'est Jackie Brown. Tu peux pas. C'est le premier, ouais. Et après, bon, il y a des films, souvent on oublie que c'est lui, bon, il y a Mars Attack, après, mais ça reste un culte. C'est vrai que Tim Burton, pour le coup, c'était... Attendez, parlez pas en même temps, les gars, s'il vous plaît. C'était plus un réalisateur à succès des années 90 que d'aujourd'hui. Parce qu'on pas a... trop aujourd'hui. Y a pas, y a... Je dirais pas qu'il y en a pas, parce que là, sur le coup, vous allez m'en trouver un forcément qui a eu du succès. Mais les plus cultes, Edouard Romain d'Argent, Mars Attack, Jackie Brown, tout ça, c'est les années 90. Jackie Brown, c'est Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, ouais. je disais une connerie tout à l'heure. L'idée à Quentin Tarantino. Je me disais que c'est confondu avec Pee-Wee. C'est pour ça, excuse-moi. Ah oui, la chaîne, ça. Je pense que c'est le premier, non? Voilà, c'est le premier. Ce mec est pas un truc. La chaîne Pee-Wee, je connais pas. C'est une chaîne Pee-Wee. Ouais, il y avait une chaîne Pee-Wee. Ah, c'est une sorte de Mister Bean. Non, une chaîne télé. Il y avait Tiji, Piolo, c'est aussi. C'est Piolo, c'est vraiment les plus cultes, c'est les années 90. Moi, c'est Charlie et Chocolaterie pour moi aussi. Voilà, c'est début des années 2000. Edouard Romain d'Argent, quand même. C'est Edouard d'Argent, bien sûr. Il paraît qu'il est super bien, Edouard. Ah, je l'ai pas vu, Edouard. Ah, c'est avec Johnny Depp. Je l'avais, mais je l'ai pas vu. C'est toujours Johnny Depp. Il est souvent là. Il y en a, mais il y en a beaucoup que non, mais voilà. Alors, j'adore ce débat sur Colin Farrell où on parle beaucoup de la filmographie de Tim Burton. Oui, mais c'est non, pas on a changé. Il joue dans Dumbo, il joue dans Dumbo. Ah, de Tim Burton. Si il joue dans le prochain Dumbo. Il joue dans Dumbo. D'ailleurs, il joue Dumbo. Il sort quand d'ailleurs c'est, on est dans la vague des films Disney qui arrivent en live. Quel il y a Aladdin. Winnie l'ourson me fait tellement peur. Le Roi Lion. Ah, aussi. Christopher Robin qui s'en interprète. Parlez pas tous en même temps, sinon on ne comprend rien. J'ai vu une partie de Winnie l'ourson parce que c'était des extraits que j'ai eu le droit de voir. Donc tu l'as pas vu. Je l'ai pas énormément vu. Winnie l'ourson avec un vrai ours. Ça fait trop peur. Christopher Robin, il est creepy. Il est. C'est alors suite, peut-être que ça passe, peut-être que le film entier ça passe. Moi ça m'intéresse. Moi je n'y crois pas. Non mais c'est sorti aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait on te fait quelque chose en motion capture, mais d'une peluche en fait. C'est finalement le personnage t'arrives pas à voir. Ils auraient dû faire des vrais animaux. Mais regarde la bande-annonce, je le trouve creepy moi. Ouais, voilà, t'arrives pas à voir ce que c'est. T'arrives pas à analyser si c'est un vrai ours, si c'est une peluche. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est glauque. C'est le Winnie l'ourson dessin animé qu'ils ont fait comme ça. Et non mais la bande annonce on en avait parlé ici. On avait parlé de la bande annonce parce que c'était très cheap. Après ouais, peut-être que le film hyper angoissant. T'as Winnie l'ourson en fait il a rendu réel peluche. Du coup on voit pas sa bouche qui. Enfin mais il a pas. Pour le coup en fait, c'est vraiment c'est cool. C'est un truc en VF à voir, c'est ça. Très flippant, très très les extraits que j'ai vus. Pour le coup en VF la voix de Winnie a fait peur. A fait archi peur. T'as envie de te tirer une balle. Regarde pas comme ça. Mais mon enfant. Oh là là. Non, franchement, je pense pas que ça va être un gros. Ah, non, mais ils sortent en mais ça se voit que Disney, ils ont conscience que c'est un peu chaud parce qu'ils le sortent, ils vont le sortir en France au moins 5 mois après les États-Unis, c'est pas rien. Mais Disney produit deux types de films. Ils produisent vraiment les gros succès qu'on a et après ils font des films avec un peu moins de budget comme il avait fait avec Peter et Elliot le Dragon. Cendrillon, Cendrillon, c'est déjà le plus gros budget. 30 ans plus tard, c'est des films Disney qu'on refait aujourd'hui avec un petit budget. Avec un petit budget. Après, vous prenez les Belle et la Bête. Je suis désolé, vous n'y pas. Ça dure 50 minutes, il n'y a pas de gros effets spéciaux à faire, à part les personnages. De base, Winnie l'ourson, même le Tigrou qui est le meilleur d'ailleurs. Finalement, moi j'aime bien Winnie l'ourson, moi je détestais Winnie l'ourson, j'avais une haine viscérale de ce personnage et de tout le monde. Porcinet, mais il est méchant en fait, il est pas super sympa. Non, c'est con, je regarde. Moi c'était Bourriquet que j'aimais. Bourriquet il m'énervait, tout le monde avait la peluche. Bref, mais quand j'ai joué à Kingdom Hearts, j'ai adoré. J'attends le 3 janvier, t'es prêt, moi aussi. Ah, il y aura pas de VF, dommage. Ouais, ça change pas de leur mère la VF de Kingdom Hearts. Mais tant pis, parce que le jeu sera bien quand même. Le jeu sera bon esprit, ils sont pas bon esprit. Non, parce que je dis ça parce que Jérémy, je connais. Je justifie parce qu'il y a une grosse histoire autour de la VF et ils ont eu des attitudes vraiment très mauvaises. Et moi j'aime pas. Mais c'est en parlant de la VF, et puis là on va encore dériver, mais South Park c'est pareil. Ouais. Les dernières saisons, ils n'ont pas fait en VF parce qu'ils ont tenté en VO et puis ça a marché. Donc ils se sont dit, tiens, on va pas faire la VF. Parce que la VF elle est nulle. Non c'est comme si t'enlevais la VF des Simpsons. Non, mais c'est comme si t'enlevais la VF des Simpsons. Je sais pas. Alors, la VF des Simpsons, c'est une horreur. À part les personnages. Rien à voir avec les vrais personnages. Mais c'est normal. Homer Simpson, en vrai, il est pas du tout comme ça. La version anglaise, t'écoutes Homer Simpson, ça n'a rien à voir. C'est pas grave, c'est pas le même personnage. Mais non, justement, pour moi, ça change complètement le personnage. Ça arrive souvent, mais comme ça, on peut pas avoir la même vision. Tu vois, on a changé de débat. Ça va être pour les Américains, principalement. Les Américains, c'est leur caricature de leur pays qu'on voit à travers les Simpsons. Nous, on n'est pas là. Nous, on n'est que les clichés, on n'a que tout ça. Ouais. Donc, on peut pas voir la chose. Bah ouais, mais ça change pas que les. J'énerve pas, attention. Je dis pas qu'elle est nulle. Je dis pas que avec la VF, ça va égaliser. Maintenant, on peut voir. Maintenant, on peut voir un Gauthier. Nous, la VO, c'est vrai que pour certains, pour ceux qui ont pris l'habitude de regarder la VO. ils peuvent comprendre à la limite les tournures américaines, mais moi petite par exemple, news, je regarde une série qui s'appelle Castle Rock, tu comprends rien à la VO. Parce que c'est des. La nouvelle série de Matt Groening. De Matt Groening. Non, Désenchanté. Ça, ce qui paraît, c'est bof. J'ai pas regardé encore. Oui, Smiley. Ça se regarde. Mais dans 5 minutes, nous avons terminé. Très bien. Juste pour dire que normalement, les Simpsons, ils font un deuxième film. Ouais, c'est un projet. Non, mais c'est un projet, ça veut dire qu'on n'est pas encore sûr. C'est long. Reste à l'éloignement. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a ta chronique. Je suis désolé, mais il reste 5 minutes, donc si tu veux la faire... Bah, je peux pas la faire entièrement, mais je peux faire le petit jeu de fin. Fais-nous le petit jeu de fin. Et le blind test. Le blind test la semaine prochaine. Okay. Oh là là. Ah oui, alors je dis juste les films pour la semaine prochaine, quand même, ce qu'il y a d'intéressant. Il y a première année que je suis allé voir, donc ça, on pourra en débattre. Mmh. Il y a Mademoiselle de Jonquière avec Édouard Baird et Cécile de France. Ouais. Il y a, bah, je vous dis un petit peu quand même tout ce qu'il y a. En fait, il y a plein de trucs. Il y a Searching que tu. Je l'ai vu voir. Aujourd'hui. Ouais. Il y a plein de films intéressants. Il y a aussi un gros film qui tourne dans les festivals qui s'appelle Thunder Road de Jim Cummings, si je ne me trompe pas. Mmh. Un film humour noir un petit peu. Le film de la Révolution française, il sort quand? Dans 2-3 semaines. Oh, ça a l'air flingue. Ça a l'air d'être une nullité, mais ça a l'air génial. Je crois que je préférerais voir. Je vais défendre ce film s'il est bien, parce que là, vous allez chier. Je sens que vous allez chier. On va y aller à deux, là, on va s'entraîner là pendant la semaine. Juste avant que Gauthier fasse son quiz et qu'on termine l'émission, je voulais me permettre de faire un petit quart publicitaire. Cette année, je travaille au Forum des Images. Ah. Et actuellement, il y a le Festival de l'Étrange, avec énormément de films qui vont certainement jamais diffuser au cinéma en France. Et bon, là, on est déjà à la fin du festival, il reste plus que 4 jours je crois. Pourquoi est-ce que je regarde l'heure? C'est pas comme s'il y avait la date. je vous incite, si vous voulez écouter découvrir des trucs, il y a des très bonnes programmations cette année. Il y a quoi genre comme film? Tu te démerdes, tu cherches. Tu sais pas en même temps. Il travaille. Juste faire l'intéressant, le mec voulait se placer. Alors, c'est super bien, vous attendez, virez-le. Voilà, c'est on a une fois c'est QLB, ce sera la dernière. Ça s'est mal passé. Et un film sur le pape aussi. Insupportable. Vite fait, alors je vous dis juste comme ça, première année, Les Dégâts, qui a l'air d'être un chef-d'œuvre de comédie. J'ai vu la bande-annonce, j'étais en souffrance. Non mais Jérémy, je sens qu'on va parler de deux films en tout, donc essaye de réduire la liste. Ouais, c'est vrai. Que je vois les bons films. Bon voilà, on a tout dit. Thunder Road. Oku et les fantômes. Oku et les fantômes, faut qu'on regarde. Oku et les fantômes, il faut qu'on regarde ce film qui a l'air vraiment bien. Oku, c'est vrai. Un de qui sur Wikis. C'est pensé que c'est un bon blog. Mais non, Oku et les fantômes, c'est vraiment un film qui sort qui est sur la médiumnité d'une petite fille. Et en plus, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Ah, mais oui, et c'est peut-être les héritiers. Alors, le micro est ouvert, donc on entend toute ta vie, mais c'est très intéressant. Merci, Léa. Elle est morte, Whitney Houston? Mais oui, elle est morte. Non, c'est pas vrai. Mais oui, elle est décédée. Mais c'est pas vrai. Mais quelle horreur. Mais oui. Mais il y a un documentaire sur elle. Mais oui, en ce moment. Que je vais aller voir en plus. Elle est morte. C'est pas Aretha Franklin. Mais si, récemment aussi, les deux. Mais Whitney Houston, elle est morte avant. Elle n'est pas du tout réveillée. David Bowie, il est mort. Non, mais c'est ça. Et Jack Michael Jackson. C'est ça, moi. Le film des inconnus. Quoi? Invasion, mais il y a plein de films en fait. Sherazade. Oui, mais attends, là, on va faire le film qui sort chaque semaine. Sinon, on est dans la merde totale. Tu veux désorganiser cette émission, c'est pas grave. Mais elle est déjà désorganisée. Mais c'est pas grave. Pas faux, hein. Gauthier, c'est à toi. Non, mais c'est normal, c'est la première émission, fallait qu'on parle de plein de trucs. En plus, ça tombe bien, j'avais prévu pour un chacun. Tu as 2 minutes, mais plus, t'inquiète pas. Ouais, non, bah en fait, le jeu est simple, c'est le qui a battu qui. On l'avait fait un petit peu avant de partir, donc oui. On l'avait fait avec les recettes françaises, le nombre d'entrées. Rappelez-vous de cette dernière émission. Là, c'est plus deux films, je vais vous donner deux films. Magnifique. Il va falloir savoir qui a eu le plus de succès, mais à travers le monde. Donc il y a plagié. Donc déjà 100 dollars, et puis ça se compte en plusieurs centaines de millions. Donc c'est aux États-Unis ou dans le monde? À travers le monde. Il y a combien de questions? Il y en a un chacun. C'est-à-dire je vais donner deux films à chacun. Ah bah c'est génial. Un chacun et okay. Voilà. Y a des gages ou comment ça se passe? Il y a pas de gages, et vous pouvez. Puis voilà. Est-ce que je peux choisir comme ça là? Je fais la roulette. Tu veux. On commence par Tommy parce qu'il a une tête d'innocent, j'aime bien. Alors Tommy, entre Toy Story et Intouchable. Alors on t'entend pas dans le micro. Entre Toy Story et Intouchable. Oh, je suis sûr que c'est un piège. Grave facile en vrai. Bah, mais lequel? Je dirais Toy Story quand même. Toy Story. Eh bah, Toy Story a remporté 373 millions. Attends. Et Intouchable en a fait 426 millions. Non, mais prends ça dans ta tête. J'étais sûr que c'était un piège. C'est incroyable. Toi, parce que j'aurais pas dit. Sachant que l'inflation ne compte pas avec les comptes, mais seulement avec les films d'avant les années 90. D'accord. Intouchable et Toy Story, c'est le même calcul. D'accord. Donc, je vais jouer des DVD au Japon et tout. C'est pour ça que j'ai essayé de prendre des films qui sont à peu près. T'as fait exprès, t'as fait des pièges. Ah, mais là, c'est. J'ai pris des films. Incroyable. J'ai pris des films qui. C'est un peu difficile sur le coup de choisir. Waouh. Ah, moi j'aurais fait Toy Story. Ismail, tiens. Ismail, entre Iron Man et Hancock. Oh, bah, c'est sûr. Alors là, franchement, ah, en même temps, faut se méfier parce que mondial, le premier Iron Man, c'était pas un succès gigantesque c'était non plus. C'était pas mal. Quand même. Mais il y a eu énormément de suites. Hancock, non, devait y avoir une suite qui est toujours un projet, je crois. Mais donc après, le piège, on pourrait se dire, ah, il faut dire Hancock, mais je vais quand même dire Iron Man. Et bah c'est Hancock. Ah ouais. Misk. Iron Man a remporté 585 millions. Et Hancock en a rapporté 624. Es-tu sûr de tes chiffres quand même? Je suis sûr du truc. Moi, je veux bien le dire. C'est un site américain qui s'appelle Vox Optimus. Et ça donne des calculs d'un peu partout dans le monde, les recettes chinoises, tout ça. Mais c'est intéressant parce qu'on le dit pas assez. On dit pas un truc pour faire la suite. On le dit pas, c'est vrai. Ça, faut le dire. On est trop tôt sur les recettes en France et en France en nombre d'entrées. Donc c'est vrai qu'économiquement, on n'arrive pas à se situer. Guillaume. Alors, Guillaume, je veux entre, le, Gautier, le, plus, le plus difficile. Conjuring et l'exorciste. Ah, Conjuring. Eh ben, c'est l'exorciste. Ah, j'ai eu peur. Conjuring a remporté 319 et l'exorciste 441. Ah, ouais. Faut savoir qu'en fait, qu'avant ça, avant le dernier ça qui est sorti, l'exorciste était le plus gros succès. Ah ouais, des sérieux films. Non. Ah. Donc, c'est exorciste et ça, ça en premier. Ça, exorciste, maintenant exorciste. Ah. Et le troisième, tu l'as? Non, ça dirait. Le troisième, demande pas trop ça doit être autour des Conjuring aussi. Ouais. Ou peut-être Paranormal Activity. Ouais. Ouais. Ouais. Quand il te dit ça, c'est qu'il sait pas. Il vient de te dire la réponse. Paranormal Activity, c'est le gros chiffre. Paranormal Activity, ça rapporte 100 millions à peine. Allez, autour de Sofiane. Autour de Sofiane. Sofiane, entre Transformers et Pirates des Caraïbes. Moi bon, je sens Transformers. Pense aux jouets, pense aux jouets. Transformers. Transformers, et ben c'est ça. Ouais, ouais, voilà. Ouais, 709 millions pour Transformers. Et 654 pour Pirates des Caraïbes. Puis dans le monde, surtout. Transformers, on parle du premier à chaque fois. Là, on parle du premier. Le premier Pirates des Caraïbes, il a pas. Il n'a pas non plus fait un. Transformers, c'est le 2 et le 3 quand c'est arrivé. C'était film. Allons-y pour Mademoiselle. C'est avec son casque. Il y a eu un petit problème technique là. Ouais, ouais, j'ai perdu mon casque, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Léa, entre La La Land et Slumdog Millionnaire. Ah, oh, je sais. Ça sent Slumdog. Attends, j'ai choisi le meilleur des deux en fait. Slumdog. En termes de qualité. Je dirais La La Land. Ah. Slumdog. Mais je sais pas pour choisir mon préféré. Hein, c'est bon, fait truc traître. Tu dirais quoi, toi, Slumdog Millionnaire? Non, La La Land. Ah, non, ouais, c'est La La Land. Ah ouais. 446 millions et 377 pour Slumdog Millionnaire. Pourtant, Slumdog Millionnaire. Ah, mais j'ai préféré Slumdog Millionnaire. Et Jérémy. Oui, j'ai plus difficile. On remonte un peu à l'époque. Entre Retour vers le futur et Les Dents de la Mer. Alors, Les Dents de la Mer, ouais, c'est le premier gros blockbuster qui a existé. Et après, ça a engendré tous les blockbusters. Et Retour vers le futur, après, je crois que ça doit être après. Donc, je dirais... Le problème, c'est qu'il y a plein de suites en plus. Mais le premier à chaque fois. Hein. Mm. Ok. Bon, allez, Dents de la Mer. Ouais, eh ben, c'est ça. Eh ben, c'est ça. Ouais, 470 et ouais. 380. Ça a tout marqué. Ouais, il faut un peu un clin d'œil dans... Je crois que c'est dans Retour vers le futur 2. Mais dans le futur, tu vois, requin géant. Dents de la Mer 27. Mais en plus, c'est même là, il y a un film sur les requins, là, en eau trouble. Ouais, mec, ouais. C'est le nanar de l'été. Je l'ai vu, c'est tous les clichés. Dents de la Mer, c'est le premier blockbuster qui a existé. Et en plus, c'est le premier film aussi à être distribué en même temps sur le territoire américain. Parce qu'avant, c'était toujours un petit peu. C'est dans les années 70, ça arrivait tard, les sorties simultanées en France. Quand tu vois comment il est fait, alors en France, je sais pas, mais aux États-Unis, c'est Les Dents de la Mer, le premier, partout, en même temps. Ouais, et c'était grosse promo, tout ça, non, c'était un énorme film. C'était le début, c'était Spielberg, c'était le début de l'ère Spielberg et de l'ère des blockbusters. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume, pour ce jeu. J'étais encore Guillaume. Merci Guillaume. Merci Guillaume. Non, mais c'était bien, mais c'était pas évident. Enfin, c'était pas non plus. Non, j'aime bien. On va le garder, on le mettra pas à la fin, on le mettra au milieu. C'est ça. Ouais, puis il y avait plein d'autres choses. Sinon, personne d'autre a fait des chroniques, sinon. Tommy, t'as pas bah une chronique. Bah si, mais on a pas le temps de les faire. Bah là, bien sûr. Enfin, tu veux que je fasse quoi là? Non, je plaisante. On se voit la semaine prochaine pour parler de tous ces films, d'accord? Donc il y a de grandes chances qu'on parle de Mademoiselle de Jonquière, de Première Année, et peut-être aussi de Thunder Road, si vous avez et le temps de... L'acteur, t'avais dit qui? T'avais dit Edouard Baird. Edouard Baird. Edouard Baird, oui. Ah. On parle de la filmo d'Edouard Baird. Petit jeu, okay. Avec aussi Gauthier. Et Blind Test, aussi je vais essayer de le placer. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour cette première toi. Émission. Yes. Voilà. La deuxième sera plus structurée, je vous le promets. Et je vous fais de gros bisous. Et puis à la semaine prochaine. Et puis vous pouvez nous réécouter en podcast sur le site internet de Web7 Radio. La bise. Au revoir. Ciao. Bisous. Ciao. C'est marrant qu'on parle d'Edouard Baird parce que j'écoutais le podcast de Cozy Corner. Ils ont fait un segment sur lui. Ah ouais? Sur qui? Edouard Baird. Ah ouais.